Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Hop, hop, hop, hop, hop. J'interromps ce jingle pour faire un petit message de service. On a eu un petit souci avec le micro de Julien Josselin pendant les 8 premières minutes de l'émission. Voilà, vous aurez la sensation de l'entendre un petit peu de loin par rapport aux autres. Sachez que c'est corrigé à partir de 8 minutes où on entend tout le monde très bien et tout marche bien navette. Je vous prie quand même de m'excuser pour la gêne occasionnée et d'agréer mes salutations distinguées. Bon épisode. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. Très, très impressionnant. Oh, c'est sûr. Bah oui, bah non, il m'a sorti. Pardon, c'était qu'on sur par oui. Bah ouais, mais là, il a fait un petit cri, ça m'a complètement. C'est déjà le pire début d'émission de l'histoire du podcast, hélas. Je suis déjà perdu. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de gens extrêmement charmants et sympathiques. La première invitée est comédienne, auteure et stand-upeuse. Elle est passée par Canal+, le cinéma, le. Comment ? Autrice. Putain, attendez, excusez-moi, pardon, mais à ma droite, je est-ce suis qu'il y a un mec. Est-ce qu'on pourrait être en 2022, s'il vous plaît, et dire autrice ? Est-ce qu'il y a un mec qui est parfaitement construit avec du ciment et des briques, ou plutôt l'inverse ? Des débris que tu as devant toi. Des débris. Tellement t'es déconstruit. Ouais, et puis aussi parce que j'ai 42 ans lundi. De la poudre. C'est ça. Donc, comédienne, autrice et stand-upeuse, elle est passée par Canal+, le cinéma et le théâtre avec Le Canard à l'Orange, que t'as joué combien de fois d'ailleurs cette pièce ? Tu l'as joué plein de fois. Oh, t'as même pas bonne calculé. Question. Je crois que je l'ai joué pas loin d'une centaine de fois, je dirais. Propre, pas mal, que t'as c'est fini par mal. Contre. Ouais, ça y est, fini. Que t'as terminé. Elle joue aussi dans Cisbro, le programme court diffusé sur TMC, et son spectacle Toxique, tous les vendredis soirs au Point Virgule à Paris, en hommage à Britney Spears et aux humains peut-être. Atroces, pour ceux que, comme ceux qui, par exemple, nous arnaquent à la carte vitale. J'y reviens, parce que j'ai eu une vague de soutien incroyable. Ah oui. Dans le dernier Floodcast, j'ai raconté... Tu t'es fait arnaquer aussi ? Non, j'ai écouté le dernier épisode. Ah bah voilà, je me suis fait arnaquer à la carte vitale. Et j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux. Bon bref, c'est Camille Lavin. De vieilles personnes. Merci. De gens pas à l'aise avec la technologie. C'est que des mails. J'ai dit, bah moi aussi, hein. Oh, bah c'est le personnage de vieux monsieur. De Jean-Yves Lafesse. Ah, ok, d'accord. On l'a vu sur sa propre chaîne YouTube, chez Suricate ou chez Cyprien, où il est parfois auteur, parfois réalisateur, parfois comédien et parfois les trois. Est-ce parce qu'il a envie de jouer de la harpe qu'il rajoute une nouvelle corde à son arc en coécrivant Truce Boy ? Ouais, je suis un peu ringard avec Valentin Vincent, une bande dessinée illustrée par Grelin. Il vient aussi de sortir un court-métrage sur son compte Instagram intitulé Skip et la photo utilisée sur son Wikipédia est une catastrophe. C'est Julien Josselin. Merci de mentionner. Tu sais que j'ai hésité à faire. Bon, allez, je m'en fous, là, je la change, moi. C'est plus possible. Sachant que c'est toi avec les yeux un peu mi-clos devant voyons un stand TGS avec des t-shirts Golden Moustache qu'on n'a pas vendu. Il y a pire, il y a celle d'Allociné, non ? Ah ouais. Ah, ça, on l'a balancé. Mais... Je vais aller vérifier ça. Allociné, on dirait un autre gars qui a 55 piges qui s'appelle Christophe. Ah oui. C'est vraiment un autre gars, ouais. On a Adrien qui debunk actuellement l'actu pour vérifier tout ce qu'on se dit. Ah, bah, une onomatopée qui en dit long aussi. Hein. Non, mais il y a une tentative d'espièglerie. Mais qui. Je sais pas. Et une casquette très haute aussi. On dirait que ta casquette est très très haute. Elle était. Non, mais sinon, bah, s'il y a des auditeurs du podcast qui veulent changer, je propose qu'on en mette une pire, quitte à. Ouais, histoire de gâcher le truc jusqu'au bout. Scénariste, réalisateur et twitcher, on lui doit entre autres des courts-métrages sur Golden Moustache, la série Les Emmerdeurs, le film Escape. Sur W9. Sauvegarder ma photo de Twitter. Non, je l'ai juste. Pardon, mais je veux pas interrompre. J'interromps. Non, mais c'est juste que. Et en fait, ce qui est fou, c'est que. On dirait une capture d'écran FaceTime. c'était sur un tournage, apparemment. Oui, donc ça veut dire que. Là, donc ça veut dire qu'ils t'ont maquillé. Était moins bien que dans la vraie vie. Donc c'est pas pour faire de la mauvaise pub pour la mec. Je porte un zep. Je propose que. Ah oui, on a. Un zep. Oui, ah oui, juste la barbe en dessous. Ah. Oui, je vois. Il a un petit morceau de barbe. Un soul patch, ça s'appelle en anglais. Ah oui. Un soul patch. Et en français, anglais. On a décidé d'appeler ça un zep. Un zep. Ah oui, d'accord, oui. Il y a que zep. Qui zep. Ah, cette espèce de truc, ah oui, de tout petit là. Le petit truc de poil juste sous la lèvre. Tout petit. J'ai porté ça à une époque. C'est parce que sans doute c'était la seule pilosité faciale que je pouvais avoir. Mais aucun autre poil. Ouais, je crois. Juste un petit carré sous la... Je suis pas sûr en fait. Ouais, mais c'est galère, non ? Il y a des tutos pour ça ? C'est un peu... Je sais pas, galère, non mais, hein. Mais ne faut pas le faire de toute façon. Pas de tuto. Je n'ai pas l'intention de le faire. Même, non, même Zep l'a rasé, donc c'est dire. En tout cas, Valentin Vincent, il a coécrit Trousebug avec Julien Josselin, dessiné par Grelin. Il est salé comme du beurre, lumineux comme un phare, et comme Nolwenn, c'est le roi. C'est Valentin Vincent ! Oh là là là là. J'ai chialé. Bah ouais. Je fais genre c'est ringard assumé alors que j'adore faire ça. Bah oui, je vous le dis. Adri, t'es belle et ma copine, elle t'aime pas. Adri, t'es bonne et ma pile va bientôt claquer. Adri, t'es froide comme le carrelage de mes WC. Adri, t'es vraiment mille fois plus belle que Tara. Adri, aïe aïe, Adrien Méniel. Merci. Maintenant, il y a un nouveau jeu où Adrien doit trouver les paroles de quelle chanson c'est. Alors, je pense qu'on en a deux qui l'ont. Bien sûr. Ah oui, bah non, j'imagine que vous l'avez. Ah non, je l'ai pas. Tu l'as pas ? Camille, tu l'as pas ? Non, mais j'ai déjà oublié ce que c'était les paroles. Ah bah c'était Matmata, tout simplement, la chanson. Oh, ouais, Emma. Non, Emma et Yaya. Où il dit vraiment la phrase tu es froide comme le carrelage de mes WC. D'accord. Pas une la plus belle chanson de rupture. Après, les gens disent Yann Nakamura, les paroles, c'est nul. Bah, Matmata, c'est vraiment pire. Mais je crois qu'il y a Nakamura, c'est défendu comme ça en disant lisez Matmata. Relisez Matmata. C'est déjà le titre de l'épisode, attention, relisez Matmata. les news du Floodcast. Donc, comme à l'accoutumée, il se passe des choses un peu folles dans le monde et on va jouer ensemble pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a eu un cas très rare de déchirure du poumon, qui a été observé il y a quelques temps. À votre avis, quelle en est la raison ? Un rire trop fort. Alors, il n'a pas ri trop fort. Un hurleur sur Twitch. Non, pas un hurleur sur Twitch. Un truc qu'il aurait fumé, mais qui est pas trop fumable en général. Ah, pas bête. Alors, non, c'est pas ça, mais c'est une bonne piste. Sachez que pour vous aiguiller, c'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'une telle chose a été vue, en tout cas sur des poumons. Ballon à l'hélium, là, pour modifier sa voix ? Non. Ça s'est passé où ? Eh bien, je peux te le dire immédiatement. Est-ce que ça peut être un indice ? Je pense pas que c'est un indice, mais ça s'est passé, je crois, aux États-Unis. C'est un rapport simplement. Avec le cul ou pas ? C'est un bon rapport avec le cul. C'est vrai ? Il était tout seul. Il était tout seul. Il a essayé de... Oui. Alors non, il n'a pas essayé de se sucer la bite. Je vous rappelle, on savonne la baignoire et on glisse sur le côté, hein, bien sûr, la méthode américaine. Vous avez jamais entendu parler de ce truc ? Non. Bah moi non plus. Ouais, moi non, plus, mais non, c'est un gars qui me l'a dit. C'est un pote. C'est un pote à moi. Quel type de savon ? Ça dépend de ta... Ça marche avec du gel douche ? Ça marche... ouais, ça peut marcher avec du gel. Liquide vaisselle. Pour les moins, oui, voilà. Donc oui, c'est un rapport avec le cul. Il n'a pas essayé de se sucer tout seul. Mais alors c'est tout seul. Ouais, parce que j'imaginais quelqu'un assis sur lui. Ah, du coup, ça marche pas. Est-ce que c'est suite à une fellation, quelqu'un lui a éjaculé dans les poumons ? Alors non. Non, parce qu'il était seul. Ah oui, il était seul, oui. Non, il était seul. Il était seul. Ouais, mais bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est un truc sexuel. L'enfant. C'est du cul. Ah, c'est sexuel. C'est du sexe. Il a été admis aux urgences à cause de violentes douleurs au thorax. C'est un homme. Ouais, c'est un alors, homme. Alors, ouais, il s'est déchiré le poumon, c'est ça ? C'est ça. Après un premier examen, les soignants remarquent des craquements réguliers à chaque respiration. Est-ce que c'est un truc, pardon, dans l'anus qui allait tellement loin ? Non, voilà. Tu sais combien ça mesure les intestins, Valentin ? Ça fait 7 mètres, genre. Oui, mais un très très grand bâton. Vraiment, un très grand bâton. Il avait le bâton de Donatello dans sa tête. C'est plutôt un truc qui est passé par la gorge, alors, non ? Oui, je suis passé par la nuque directement. Alors, c'est, genre, c'est vrai. Non, c'est de ma faute. C'est vrai qu'il y avait un lien plus direct que Camille a trouvé. Alors, non, il n'y a rien qui a été ingéré en lui. Est-ce que c'est genre, il a un orgasme tellement puissant, il a eu. Il a fait. Il a craqué ses. C'est génial. Alors, je sais pas si c'était ce cri-là exactement. Si, là, c'est sûr. Je l'ai enregistré, donc je peux te. Enfin, c'est pas moi le mec, mais. Oui, bien sûr. Non. Alors, et tout seul alors ? C'est ça. En fait, il s'est masturbé. Ah. Et au moment de jouir, il a eu une déchirure des poumons tellement il a pris un plaisir. Si ça avait été avec un partenaire, quoi, c'est chaud la réaction du partenaire dans ce cas-là. C'est classe. C'est genre, moi j'ai fait jouir quelqu'un, ça lui a déchiré les poumons, mon pote. Je te le dis tout de suite. On est... tu vois. Mais... ça fait un peu, enfin il y a un peu un côté la chance quoi. Ça avait l'air d'être un orgasme incroyable quoi. Non mais j'entends. J'en veux pas la partie. Tu veux dire parce qu'il a joui tout simplement. Non mais moi, écoute, j'ai quelques branlettes à mon actif. J'ai jamais été proche de me briser les poumons quoi. Mais jamais. Même pas. C'est vraiment juste. Mais est-ce que c'est parce j'étais qu'il proche de m'endormir plus que de me déchirer les poumons quoi. Mais est-ce que c'est parce qu'il a hurlé? Alors parce non, que, parce que sinon, oui, ouais, c'est le un... corps, c'est contracté, ouais, pour quoi. Pour moi, genre... c'est le corps, c'est contracté, parce que si c'est pas un hurlement, de... sinon c'est. Ouais, j'ai hurlé quand même. J'ai voulu montrer la version où il hurle pas. J'ai hurlé. Non, en fait, c'est une infection très rare en fait qui lui est arrivée pendant le truc. C'est une déchirure soudaine des membranes pulmonaires provoquée par une augmentation de la pression sanguine dans la cavité thoracique. Oula. Donc c'est vraiment scientifique. En d'autres termes, votre cœur s'accélère soudainement et les poumons n'arrivent pas à réagir à temps, ce qui provoque des blessures dans la membrane. Mais on a des nouvelles de ce garçon, ouais, il est ministre, tout simplement. C'est fou, donc un virage excellent pour lui. Non, écoute, non, il va bien, mais c'est un cas unique en son genre. Les scientifiques restent très prudents, estiment qu'il doit y avoir d'autres facteurs à prendre en compte. Très prudent. Non, mais la peur qu'il a maintenant, plus jamais il osera se masturber. Mollo. Dès qu'il bande, il est. Ouais, il fait merde. Faut penser à autre chose, Il sort l'Apple Watch, je fais ok, je suis à combien de pulsations? Non, les chercheurs expliquent quand même qu'il y a de grandes chances que ce soit lié à autre chose qu'a dû jouer. Tu te fais une tête horrible, je suis obligé. Il y a un pigeon qui est passé, ça m'a fait. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais parce que je nourris. J'ai vraiment 85 ans, je nourris des pigeons sur le rebord de ma fenêtre. Voilà, c'est quelque chose que je vous dis. Tu leur donnes des prénoms. Moi, j'ai acheté un. J'ai acheté une mangeoire à oiseaux et tout. Ah ouais. Je n'ai pas vu un seul putain d'oiseau. Et zéro quoi. Non mais moi je vais leur mettre un voisin doux. Qui se sert par contre. Tu vois l'humain qui passe discrètement. Et franchement, ça m'irait hein. C'était vraiment pour tromper la solitude. Donc, tu veux qu'on passe piocher dedans, ça te ferait plaisir. Je suis au sixième donc c'est chaud mais démerdez-vous, moi je veux bien. Hein. Un grand pas a été franchi dans le monde de l'IA puisqu'une intelligence artificielle va être capable de comprendre quelque chose de très humain. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? La dépression. Pas la dépression. L'humour. Ouais. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Non, pas du tout. C'est Valentin Vincent, putain, pardon, excusez-moi. Vous savez, je suis père de famille. Je sais pas si je vous en ai parlé. Alors, c'est quand même, ça prend énormément d'énergie. Oui, de Valentin Vincent. Et Google, c'est Google. Le site Google. Ils adorent faire de l'ordi, donc ça les aime pas. Ah bah ça, oui. Un algorithme capable de comprendre les blagues. Alors, à votre avis, pourquoi ils font ça ? C'est juste pour les SAV automatiques. Ils se disent c'est pour pour détecter l'ironie ou les trucs comme ça. Exactement, quoi. L'objectif c'est de permettre à l'ordinateur de mieux comprendre l'humain afin d'affiner la construction des chatbots présents sur de nombreux sites aujourd'hui pour traiter vos demandes. C'est trop bien. Enfin un peu de compagnie. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui ne comprenait pas que vous faisiez de les blagues ou de l'humour? Est-ce que c'est non, toi t'avais un truc en tête? Non, j'ai un truc, quelque chose, mais je retrouve pas. Non, je repense un truc un peu différent, mais bon, je te le raconte parce que ça me fait plaisir. C'est où un moment où j'ai été raciste vraiment en essayant de. C'est toute la vidéo où t'es en blackface et où tu fais des imitations. Quand tu vas demander si. Attends, c'était une autre époque, c'était en 2019. Ouais, non, faut remettre un peu en contexte. C'est pour lancer sa chaîne YouTube. Non, mais j'étais avec quelqu'un de ma famille, d'assez âgé, je précise pas, pour un peu plus large quand même, qui des fois voilà, me surprend à sortir des petits trucs racistes, hein, clairement, même des gros. Ouais. Et donc, bon, on discute, mais c'est une personne que j'aime bien, c'est ma famille, tu vois. Et je suis tolérant. Et t'es donc, pas aussi déconstruit qu'Adrien. Non, bien sûr. Je suis à sa droite. Et je raconte que je veux déménager et tout. Et donc là, je me tape un bon petit frontal. Ah ouais, il faudrait trouver un endroit où il n'y a pas trop d'arabes. Bien pleine tronche. Et donc j'essaie de me dire, ah, il y a quand même peut-être un petit créneau. Je connais bien la personne pour essayer de faire. Ah ouais, mais non, enfin, tu vois, de relativiser. Non, mais les mollo, on va pas voilà, casser l'immeuble tout de suite. Mais et du coup, je tente un truc hyper maladroit. Je l'explique mal. Le couscous, c'est délicieux. C'est pas loin. Ah merde. Non, mais c'est un truc de. En fait, ce que je veux dire, c'est que je sais que tu vois, c'est en Bretagne, donc tu croises pas beaucoup d'arabes, de gens qui viennent de d'autres régions, d'autres pays et tout. Et du coup, je dis, je sais qu'ils en croisent pas beaucoup, tu vois. Et donc, je dis, mais nous, j'essaie de dire. Nous on est habitués à Paris, il y en a partout. Et je le dis exactement. Et du coup je me fais confirmer derrière. Eh bien oui, il y en a partout, tu vois. Et même là quand je vous le raconte, je n'arrive pas à être gêné. Bah oui, non, bien sûr. Mais comment? Et j'ai abandonné. Je me suis dit ouais non là on est quoi. Et oui, j'étais devenu. Tu as juste confirmé, c'est. J'ai confirmé. C'est. Adrien, toi t'as déjà eu un truc? Bah oui, mais alors pour m'en rappeler là, j'avoue que c'est difficile, mais des tas de fois. Moi je sais que le truc qui me gêne, c'est quand je fais genre en story une blague nulle exprès, genre second degré quoi. Ouais. Et que les gens font. Ah, des gens qui rient premier degré à une blague volontairement nulle. Ouais. Des fois des gens que je connais un peu. Et du coup, j'ose pas les lui gens dire. Que je vais pas citer, non. Mais. Non, mais du coup, j'ose pas dire. Mais non, mais c'est de la merde exprès. Tu viens de rire à une blague que je trouve vraiment nulle à chier. Et donc, je dis rien. Et généralement, je supprime la story. Genre, oh, je suis trop mal à l'aise. Toi, Camille, t'as déjà eu ce genre de choses des gens qui comprennent pas. Parce que toi, t'as fait un exercice qui est un peu difficile aussi. Parce que tu faisais des fois des chroniques en plateau. Est-ce que t'as déjà eu des invités qui captent? Ah bah oui, quand je suis sur le plateau d'Yves Calvi sur Canal et qu'on est en train de parler de la guerre en Syrie et que j'arrive déguisée en poney et que je fais « bonsoir !» Plein de fois, il y a eu des « bah, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Mais moi, je suis la caution humour de l'émission, en fait. Oui, parce qu'il y a un petit moment humour dans l'émission. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de public sur le plateau et qu'il n'y a vraiment aucun indicateur qu'il va y avoir de l'humour, mais je vous assure que c'est de l'humour. Mais ça, c'est formateur ou au contraire tu te dis je ferai plus des trucs comme ça, c'est trop dur ou... Alors aujourd'hui je ferai plus des trucs comme ça, mais à l'époque mais en fait je crois que je réalisais pas trop je te dis ça mais je regrette pas du tout l'avoir fait, tu vois. Non, bien sûr, mais est-ce que c'est un truc où tu te dis quand même ça m'a permis d'avoir un peu des skills de, je sais pas, d'avoir des fois des gens qui comprennent pas en face ou l'inverse, de dire putain en fait quand je peux choper des choses ici ou là, même des trucs d'actu. En fait, de faire de la télé, ça m'a fait réaliser que j'adorais faire de la scène. Oui, d'accord, ok, c'est joliment dit. Non, mais si, c'est bien. Mais non, mais c'est vrai, parce que. Mais même si j'étais dans une équipe super et tout, c'était vraiment pas. J'étais pas malheureuse là-bas, mais vraiment, quand j'y pense, je me dis, bon, la télé, ça a vraiment quelque chose de très fabriqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et de mais dur. Après, ça m'est arrivé aussi sur scène de faire des blagues et de dire, bah alors, vous avez pas compris. C'était la chute, là, hein. Enfin, normalement, c'est un dialogue et juste après mon mot, il y a vos rires. Voilà. Je suis sûr que des fois, tu dois réussir à faire rire aussi sans avoir vraiment de blague, juste avec le bon ton au bon moment. Bien sûr. Et les gens rigolent et après tu dis, je vous ai eu là, vous avez rigolé un truc qui n'était pas si marrant. Ou tu vois, un truc. Je suis sûr que tu peux réussir mais à les parfois, les tu avoir. Te fais à essayer de trouver des vannes un peu malines. Tu fais, je viens de faire de l'esprit en plus. Ouais. Alors qu'une bonne grimace. Tu vas dire un bon accent. Tu dis la mort, c'est les gens rient et tu fais, ah bon, ça c'était marrant. Et puis après, tu vas à la chute, rien. Ouais. Ah bon. Surtout qu'en plus, il y a un truc où ils adorent les imprévus. Ou, les accidents, les petits accidents, les trucs, et ça peut rendre fou quoi. Ouais. Moi, quand je suis un peu parfois Baptiste en tournée, juste il s'étouffe un peu avec la bouteille d'eau un moment, et d'un coup, t'as un plus gros rire que tout le reste. Du coup, il fait plus que ça maintenant. Ouais. Ouais. On a 20 minutes où il s'étouffe avec de l'eau. Les gens adorent ça. Bah, c'est Bob Burnham qui faisait un truc incroyable là-dessus sur le. C'est pas son dernier spectacle, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas Inside, c'est celui d'avant, je crois. Où en fait, il fait tomber une bouteille d'eau, les gens font haha et tout. Et en fait, il balance un jingle en mode j'ai fait tomber la bouteille d'eau et genre tout était prévu et tout. Et après, il rentre dans un truc hyper lointain, c'est incroyable. Toi, Valentin, t'as déjà. Je repensais à ce que tu disais quand tu fais une mauvaise blague et que les gens le prennent. C'est que à force de, il y a un truc qui nous fait beaucoup rire, c'est de faire des blagues de tonton, comme on dit, des vieux jeux de mots tout le temps entre nous, parce que. Des jokes de papa, c'est ça. Non mais. Parce que. Hein. Préfère prévenir. Parce qu'on le prend souvent au deuxième degré et tout. Bien mais sûr. À force d'en faire, c'est vrai qu'on se rend compte. Même, on se disait ça aussi avec. C'est comme Julien ça que devient papa vraiment. C'est ça. Et c'est qu'à force, on n'arrête pas de le faire et que on commence à prendre du recul. Des gens qui se font. Oh la vache, ce jeu de mots de merde et tout. Et nous, on rigole. Excusez-moi, et vous êtes en train de décrire le floodcast. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais moi, j'adore. Des imitations de Chirac ou des. Moi, t'es témoin que je t'envoie des fois des trucs genre ce jeu de mots, j'ai adoré. mais ça me fait penser à la. C'est moi qui l'ai vécu à la première réunion de Golden. À la première réunion de Golden et la chute à l'arrière du peloton qui a été. Je me souviens pas du tout. Moi, je me rappelle parce que. C'était tellement gênant. Ça va mal partir avec lui. Et heureusement, depuis. Et Lucien m'avait dit. Vous pouvez raconter. Mais en fait, les premières rues de Golden, il y a, je sais plus, enfin bref, ça Golden galère. Moustache, Golden Moustache. Et à un moment, on cherche une chute. Et tout le monde parle de putain, faut trouver la chute. Et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce truc du Tour de France de il y a toujours une chute à l'arrière du peloton. Et je dis, bah sinon, on cherche, il y a forcément une chute à l'arrière du peloton. Et là, je sens que trop tôt pour faire cette vanne de personne. Personne n'a compris. C'est une blague, un jeu de mots sur le Tour de France. Fallait quand même aller. Bah, c'est très web. Et donc, l'humour, c'est l'exploration. Parce que t'avais quel âge à l'époque? Je sais pas, c'était il y a combien de temps? Il y a 7-8 ans, 22 ans. Ouais, voilà. Donc, les autres avaient, moi j'étais plus vieux, mais les autres avaient à peu près cet âge là, quoi. Donc, généralement, à 22 ans, les rêves sur le Tour de France. T'as jamais pris la glacière et les chaises pliantes pour les voir passer? Attends, ce que tu racontes là, moi je trouve que c'est une forme de déconstruction. Attends, pourquoi snober les vannes de merde? À partir du moment où on sait que c'est une vanne de merde, est-ce qu'on peut pas l'accepter qu'elle est marrante? Depuis, comme tu dis, maintenant, seul floodcast. Oh, ah, non, mais moi j'adore les jeux de mots. Mais là, moi, c'est des trucs de. Mais c'est quoi? J'avais même pas compris quoi. Lucien, après, on avait écrit une vidéo, il était venu chez moi, il m'avait dit, mais j'ai pas compris. Et pareil, il m'a fait, je me suis demandé ce que tu disais et tout. Et heureusement, j'ai réussi à le convaincre après. Tu l'as marqué à vie, sixième sens. Je sais pas, quand il a fait ça, ça m'a. Je me suis dit, j'ai pas été viré tout de suite, donc c'est que ça va, je suis resté. Mais génial. Une bordelaise s'est retrouvée mariée à la mauvaise personne. À votre avis, comment? C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée. Son homonyme? Son jumeau. Oh, très bonne réponse. On n'a même pas le temps de jouer, Camille. Attends, mais comment? Comment c'est possible là, par contre? Je vais te raconter cette petite histoire. Laisse-moi mettre un petit plaid et prendre ma petite pipe comme ça. Je suis au bout de ma main. Stéphanie Laporte, une jeune mariée bordelaise, a découvert ce jeudi que la commune de naissance de son mari l'avait mariée par erreur, avec son beau-frère. Ce qui s'est passé. Est-il un meilleur parti? C'est la question qu'on se pose. Alors, pardon, mais elle est pas mariée avec son beau-frère, elle est mariée avec son mari. Oh! Ah, désolé, c'est pas son beau-frère du coup. Bah, c'est il son est mari. Très à cheval sur les terres. Elle va devoir divorcer pour se marier avec son beau-frère donc. Quelle histoire! Dégueulasse. La bordelaise presse la confusion et demande à son mari de vérifier l'acte de naissance de son jumeau. Les deux frères ont déjà rencontré un problème similaire par le passé. La réponse est équivoque. Oui, votre frère est bien marié avec votre femme, s'entend répondre le couple qui s'est marié le 2 octobre. J'adore les citations comme ça. Je me mets toujours en contexte. Oui, votre mère. Au téléphone. Comment expliquer une telle erreur? Apparemment, ils ont pris le premier Gouritin, c'est le nom de famille des jumeaux. Les Gouritins, la famille Gouritin, qui apparaissait sur leur liste. Antoine, résultat, je suis bien marié avec lui, mais c'est son frère qui s'est marié avec moi, explique Stéphanie Laporte. Ah, mais du coup, le mari est même pas au courant qu'il s'est marié? Il savait pas. Non, lui, il est pas marié du coup. Le mari est pas marié. Celui qui est le. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire que non seulement cette erreur empêche les mariés de faire d'être officiellement mariés, mais en plus ça annule le pax de son beau-frère et de sa belle-sœur. Et oui. Oh, finalement l'article c'est plutôt sur une mairie incapable de marier des gens correctement. Oui, et qu'est-ce qui va se passer alors, comment ça va se résoudre cette petite sauterie? Tout va bien, apparemment ça va revenir à la normale. Ils sont tombés amoureux, tout est réglé. Ils vivent tous les quatre ensemble maintenant. Quand il a entendu ma vive exclamation à l'annonce de l'erreur, l'officier d'état civil a assuré qu'il ferait tout son possible. C'était quoi la vive exclamation? Oh, c'est pas vrai! Oh là là! Non, moi je dirais plutôt, oh le con! Oh putain, le con! Avec les points sur la taille comme ça. Oh là là! Ah, la tuile! L'officier d'état civil a assuré qu'il ferait tout son possible pour la corriger dans la journée. Donc c'est déjà fait, là on parle. Ah, Non. Il a dit qu'il ferait tout son possible. Ça, c'est ce que je dis quand je mets une semaine à faire un truc que je peux faire en une heure. Donc potentiellement, ça n'est pas réglé. Surtout à la mairie, on les connaît, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, on les connaît. Là, avec nos impôts, là. Je me régale à imaginer quand même une scène où c'est Jacques Villeray qui joue le maire, quand même. Juste pour. Encore une belle ref. Non, mais. Ça va avec le Tour de France, quoi. Oui, non, mais bien sûr. On va faire 2-3 blagues sur Billie Eilish, ça va. C'est bon. 2 secondes, on arrive. Attention, le public du podcast vieillit aussi. Non, ça fait 7 ans. Nous, on imite Chirac et Mitterrand, donc c'est pas un jugement négatif. Alors, j'en profite pour lancer un immense shout-out à Kixama. Qui est en gros un gars qui fait des dessins animés et qui a animé plusieurs extraits du Floodcast. C'est incroyable. Dont le débat, enfin espèce de merde qu'on a fait. Non, pardon. Où on imite Chirac et Mitterrand pendant 3 minutes et il l'a animé en dessin animé. Et il a c'est fait hilarant. Il a fait une autre animation où. Avec le Joker. Oui, il imite le Joker. Oui. C'est toi qui a fait ça? Non, c'est Kixama, un mec sur Insta. Un mec qui écoute le Floodcast qui a fait ça de lui-même. En fait, il a pris des extraits du Floodcast et il les a mis en. Il les a animés, quoi. Okay. Et moi, ça m'a fait trop kiffer. Et on pourra faire une petite projo après? Bien sûr, on va faire ça au grand ex. Il est en train d'en faire un troisième d'ailleurs. Oui, j'ai vu qu'il nous avait notifié. Et c'est très en rythmique et tout, c'est super. C'est génial, moi ça m'a rappelé le Ricky Gervais Show qui était un podcast et il l'avait sorti en dessin animé pour les gens qui voulaient le regarder à la télé. Ou pareil, les anecdotes étaient du coup en dessin animé. Dans l'action quoi. Donc voilà, shout out à Kixama et merci beaucoup. Franchement, très plaisant. Embauchez-le là quand vous serez blindé, quand l'émission sera encore plus un carton. Pauvre ami, peut-être tu mets. Bon voilà, j'ai balancé. Il y a des bœufs qui sont là, la charrue, tu devais la mettre derrière, tu viens de la mettre devant. Voilà, nous rends dingue. Le PSG, club de foot. Je sais pas si vous êtes calé en football. Dégoté un nouveau sponsor pour faire parler d'eux. Selon vous, comment vont-ils réussir à faire parler d'eux grâce à ce sponsor? Parce que c'est l'OM, du coup ça fait un peu parler. Non, c'est. C'est un rapport avec Dubaï? Pas Dubaï. C'est un truc. Parce que si c'est un sponsor, ça peut pas être un truc tellement problématique quoi. Alors c'est pas. Attends, c'est le sponsor qui va faire parler de lui parce qu'il est sponsorisé par le PSG. Non, c'est l'alliance, disons. C'est d'accord. Mais alors, non, qui est surprenante quoi. C'est pas que c'est surprenant. La c'est... France insoumise. Non, j'achète. J'achète le maillot, pardon. Qatar Airways et la France Insoumise, normal. On a saisi les champions, c'est moi. On est insaisissable. Non, en fait, c'est un truc où, oui, effectivement, il y a rien de problématique dans la marque. Mais c'est juste que la. Voilà, y a c'est surprenant, l'alliance de PSG. Là, déjà, qu'est-ce qu'ils ont comme sponsor? C'est Qatar Airways. Qatar Airlines. Ouais. Ouais, je sais plus. Ryanair. Non mais attends, est-ce que c'est surprenant pour le PSG ou n'importe quelle équipe de foot? Ah non, n'importe quelle équipe. Brest TV. Non, pas Brest, c'est TV Brest déjà. TV Brest. Attends, c'est pas Jordan quand même? Non, c'est pas parce Jordan. Parce que ça a été leur sponsor déjà. Non, mais c'est surprenant parce que c'est ringard ou c'est genre non, Cochonou quoi. Charlie Dino. Podcast. Le Tour de France. Non, en fait, c'est pas que c'est surprenant, genre la marque est surprenante, c'est qu'en gros, il y a je sais pas comment vous le dire, c'est pas l'image un jeu de mots, mais il y a un truc sous-jacent qui va avec l'histoire du PSG. PSG Gervais. Et les gens en voyant ça, ils vont faire oh oui, d'accord. Oh, ah, mais donc rapport mais au PSG. Gens, même rapport les gens qui comprennent pas trop le foot, ils vont faire oh oui, d'accord. Moi, pas trop. Moi, je savais pas. Non, mais attends. Donc, c'est pas n'importe quelle équipe de foot, c'est le PSG, c'est spécifique au PSG. C'est lié avec le PSG, non, mais ça pourrait marcher avec n'importe quelle équipe, mais en l'occurrence, écoute-moi, je te prends la main. C'est Prince, la marque Prince pour le Parc des Princes. Non, oui. C'est par rapport à deux joueurs qui s'auto-programme quelque chose et du coup ça marche bien avec la marque. Voilà, qui s'auto-proclame quelque chose. Ah, voilà. J'ai peut-être pas ce niveau de connaissance sur le PSG. Du je me tourne vers Adrien qui est un fan de foot. Féru de foot. Deux joueurs du PSG. C'est pour essayer de faire quelqu'un. Ouais, je vais vous dire les joueurs. C'est deux joueurs du PSG ou pas? Moi, pas. Messi et Cristiano Ronaldo. Bah, c'est GOAT. Très bonne réponse, Adrien Meignet. Ah, donc c'est du fromage de chèvre? Non, pas du tout. Non, c'est à comparer. J'ai toujours pas compris. C'est, en gros, je vais t'expliquer, parce que moi je savais pas non plus. J'ai lu l'article et je fais ah oui, d'accord. C'est une marque qui vend des donc, fringues. Quand tu te dis ah oui, d'accord, tu dis tiens, je vais mettre dans le floodcast. Non, mais moi je pense que c'est demain. On est à moins de 12% sur les fans de foot dans le floodcast. Faut qu'on les rechope un petit peu. Donc, ah oui, oui. Voilà. Ouais. Non, la marque GOAT qui en gros vend juste des fringues. Et GOAT, c'est aussi l'anagramme, Adrien. Greatest of the world. Of all time. C'est-à-dire le plus grand du monde, le GOAT. Tu vois, c'est un peu un truc d'internet, genre bah lui c'est le GOAT par exemple. Mm-hmm. Je connais très bien les termes du web. Hein. Oh, non. Là je vous parle comme ça. On peut en parler du dîner de con si tu veux. Et donc Messi et Ronaldo souvent se font appeler les GOAT, tu vois. Et donc du coup ils vont avoir écrit GOAT sur leur t-shirt et donc du coup voilà ils sont un petit peu voilà c'est un petit peu excitant. Attends mais c'est une marque, d'accord, je l'avais vraiment pas. C'est une marque de sur le web. Quand même le chèque pour ce deal est de 50 millions d'euros pour 3 ans. Donc pour que je puisse me dire ok ils ont mis le nom du duo et que je sache pas que c'est le marque ça vaut pas trop le coup pour eux. C'est très mais tu sais pour un bon mot le PSG ils mettent la thune. Okay. Oui mais je pense que c'est pas je pense que c'est une stratégie parce que déjà en gros petit point économique. Non mais en vrai c'est une vraie stratégie de des fois on se dit bah par exemple Messi il est quand même en fin de carrière donc tu pourrais te dire mais pourquoi est-ce que ils ont recruté Messi bah parce qu'en fait quand tu recrutes un joueur star même si il est en fin de carrière tu te fais un fric de malade en vente de maillots. D'accord. En vrai, c'est un vrai truc. Ah oui, d'accord. Et je pense les gens que qui font la queue aux Champs-Élysées, avoir un maillot Messi avec marqué GOAT dessus, ça va se vendre de ouf. Comme des petits pains. Oui, voilà, c'est ça. C'était une boulangerie. C'est ça. C'est ça. Des petits pains, hein. toute taille de pain. Ah oui. Vraiment. Tradition, par exemple. Ok. Coupé en deux pour faire dans le sac, mais oui. Pas aux céréales, par exemple. Oui, en tranches. Tranchées. On peut faire ça 25 minutes. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Justement, l'idée, c'est que ça ne s'arrête jamais. Les faire. Est-ce que vous avez déjà fait des partenariats un peu nuls ou est-ce qu'on vous a proposé peut-être des trucs de des marques? Ah, je suis le fenouil, on a une petite. Ah, bah moi, il m'est arrivé un truc. Tu peux raconter. Alors. Bah, c'est pas ridicule, mais c'est mignon presque, moi je trouve. Alors. Bah, on a eu une sorte de fameux l'histoire parce que j'en ai parlé avec Jérémy Detlo. En gros, le truc, c'est qu'il y a une agence de com créative qui m'a envoyé un DM, genre à propos de la série Visitors, en disant le vendeur de tacos a disparu. Si tu veux mener l'enquête, je suis dans la série en fait. Je joue dans, donc, dans la série. Pourquoi est-ce que j'irais c'est trop bizarre. Il me disait et si tu veux, on te donne un lien vers les deux premiers épisodes. Ah, ce que j'ai vu à Série Mania quand je suis allé faire la promo de la série, d'accord. Donc j'ai pas répondu et Jérémy Detlo il a reçu le même DM et il aura répondu mais je connais la série, je suis dedans. Et ils ont dit oui on sait mais c'est fait exprès donc je sais pas si c'est vrai. C'est ou faux si... j'ai reçu aussi moi et je suis pas dans la série. Non mais du coup en gros ils sont a priori on leur aurait dit Warner leur aurait dit, bah, envoyez aussi, bon, en gros, les gens qui sont dans la série qui ont beaucoup de followers, j'imagine, quoi. Oui, oui, d'accord, ok. Donc, est-ce vrai ou alors est-ce qu'ils se sont rattrapés, genre, oui, oui, on savait. Bien sûr. On a juste fait un vieux copier-coller. Mais donc, voilà, c'est un peu mignon, un peu maladroit, et je jouais. Fenouilleman, bah, je fais une petite top liste là, parce que en tant que personne qui a une chaîne YouTube, forcément, à un moment donné, tu reçois des trucs. Là, ça fait un petit moment, mais à l'époque où je faisais plus de vidéos, j'ai eu de la greffe de cheveux en Turquie. J'allais te demander justement. Dès que t'es un petit peu dégarni, tu te le tapes forcément un petit peu. On m'a proposé de faire Secret Story. Alors attention, c'est autre chose. Secret, je suis youtubeur ou machin, je sais pas quoi, tu vois. Génial. Enfin, c'est vraiment le. Ben, c'est pas du tout un secret. Secret, je m'appelle Julien Josselin. Je suis brun. C'est mon secret. Et non, et le pire, je vous le raconte en rapide, mais tu connais Valentin, on en a parlé dans la toute dernière émission d'Askip, notre émission Twitch qu'on fait avec Valentin. Et bim, la petite promo, t'as vu un peu comme il l'a placé. Non, mais, il a raison. Non, mais j'ai fait de la. D'ailleurs, juste petite parenthèse, ouais. Askip, Skip, bah change de. Change de. C'est quoi t'as les sites préférés? Skip? Non, il y a quelqu'un qui m'a mis un tweet qui me propose. Il y a qui m'a dit, ton prochain projet c'est Keep, ça m'a fait rire. Skip the use. Et Keep dans Futurama. Bien sûr. Skip le Congo. Non, oui, et donc du coup, après une adresse IP, bon, je sais pas. Je vous ai perdu. C'est bien. Non, mais en fait, c'est un peu hybride par rapport à ce que tu dis, mais dans le sens où en fait, c'est un sponsor qui, sur le papier, paraissait hyper classe, mais le produit final s'est retrouvé claqué au sol. Le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est la BBC qui l'a produit, mon pote. Ah, bien sûr. Ah oui. Alors, attendez. Donc c'était où là, il y a bien 7 ans, un truc comme ça. Plus 10, au moins 10 ans. Non, ouais, 7-8, je dirais. Bref, la BBC était déjà avec des moustaches. Je crois que j'étais déjà à Golden Moustache, Donc ça fait un peu moins de voilà, donc ça marchait un petit peu et tout à l'époque, et donc je reçois une proposition de la BBC, donc hyper classe, tu vois. Genre de message que pour le coup tu préfères la recevoir ça que la Turquie, quoi, tu vois. Bien sûr. Et pour la grève de cheveux, évidemment. Il y en a pas tout, on rappelle. L'audio est enlevé de l'émission, c'est une cata. Non, mais donc on me propose, BBC, je fais génial, on me propose de faire des vidéos pour apprendre l'anglais, le français aux anglais. Je trouve ça génial, je me dis, putain, trop bien. Enfin, ouais, d'un coup, je vais faire un truc qui paraît un tout petit peu plus noble que ce que je peux foutre sur internet. Tu vois, ouais. Je me dis, grave, je suis grave chaud. Et sauf que je dis oui, c'est ça le problème. Parce que sur le papier, sur le papier, c'est charmé. Sauf qu'en fait, bon, je vous fais un petit best-of de ce qui fait que ça n'a pas collé. Ouais. Globalement, il y avait les deadlines. D'un coup, ils disent, bah, c'est pour dans une semaine. Bref, donc on connaît. Hein, ouais. Fallait écrire, okay. Tourner le truc et tout. Et donc, j'écris un truc qui est vraiment pas ouf, déjà, pour ce que, même dans les capacités, tu vois, que j'avais à l'époque, même je me suis un peu amélioré. Mais quand même, c'était vraiment pas dans ce que je faisais de mieux. Ouais. Et j'oublie le tournage. Ah, pas mal ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des torts un peu partagés. Ouais, non, c'est pas tout la BBC. C'était nul la BBC. Bon, j'ai oublié d'aller sur le tournage. Non, mais tu vois, c'est pas que ça. Mais effectivement, c'est un petit best-of, c'est un petit bouquet. Donc, j'oublie et donc, je suis en lendemain de soirée, vraiment, mais balèze en plus, quoi. Gueule de bois, ça toque à ma porte. Et vraiment, bah, t'étais venu chez moi dans mon premier appart. Ça tournait chez moi. Il venait, la BBC venait. Bon, là, quand je dis la BBC, c'est deux gars, hein. c'est une meuf, un gars. Il faut voir la gueule du chez lui de l'époque. Hein. Ouais, c'était ta petite chambre de bonne. Voilà, exactement. Petite chambre de bonne et tout. Ça frappe. Le placard d'Harry Potter. Et donc, vraiment, pas loin, franchement. Ça frappe, et ce moment quand même culte de ma life où vraiment je suis éclatax, genre je me suis couché 3 heures avant, je me dis, eh oui, c'est la BBC. Oh. Et surtout à l'époque, t'as pas fait un milliard de trucs. Non, c'est encore, ça. Et je me dis, ah putain, le con et tout, il rentre, et on tourne quasiment direct la vidéo, ils s'installent, tu sais, ils ont la cam et tout, eux ils sont, tu sais, ils ont déjeuné, ils ont tout fait, quoi, tu vois. Moi, je viens d'ouvrir la porte, c'est le premier truc que j'ai fait. T'as prétendu que tout était normal? Est-ce que t'as assumé Non, je crois que j'ai rien fait, je me souviens plus, je t'avoue. T'avais oublié, en tout cas, physiquement, ça se voyait. Physiquement, ça se voyait, puisque dans la vidéo, ça se voit, en fait. Tu vois sur ma gueule, gars, j'ai les yeux rouges que je viens de voir. Dis-moi que oui. Alors, il y a des extraits qu'on a mis dans la script, donc vous pouvez le voir, okay. Je pourrais vous montrer. Et il y a d'autres extraits que je garde pour moi, peut-être plus tard, je suis pas encore prêt. Bien sûr, je comprends. Faut y aller petit à petit. Il y a un circuit à faire. On a fait 3 vidéos qui sont claquées, et donc là où les torts pour le coup de la BBC, c'est que, en fait, une fois sur le plateau, j'ai réalisé qu'en fait, moi je parlais, tu vois, normalement. En plus, j'avais un perso, tu sais, un peu blasé, qui parlait un peu comme ça, assez calmement quand même, quoi, tu vois. Je bouffais un peu mes mots des fois, donc tu sais, ils me reprennent un peu, ils me disent, ah ça, les Anglais, ils vont pas comprendre. D'accord. Okay. Je parle machin, ah non, là, faudrait ralentir, tu vois. Tu ralentis, tu commences à dire, salut. Je m'appelle Julien. Comment ça va, toi? Et là, ils font, je suis pas sûr encore qu'ils comprennent vraiment. Ah ouais. Et donc vraiment, gars, impossible de bien jouer avec ce genre de rythme. Ouais, et donc, incroyable. Je joue vraiment comme un pied. Je dis des trucs qui sont d'une banalité monumentale parce que le moindre mot de vocabulaire qui sort un petit oui, peu. Puis le rythme donc, comique. Ah ouais, bah ouais. Voilà, ça, c'est ma maison. Enfin ouais. Donc ouais. Tout, on dirait du Hadibou. C'est du Hadibou. Oui, c'est ce que vous, c'est ça, bien sûr. Donc bref, c'est vraiment d'une tristesse absolue. J'ai tourné d'autres trucs avec ma copine de l'époque et tout. Je veux voir. Qui regrette aussi aujourd'hui maintenant d'avoir dit ouais, grave. Pourquoi pas, je t'aide. Et ouais, non. Et ils m'ont envoyé les rough, comme ils appelaient ça, du coup, donc les brutes, les toutes premières versions du montage. Et vraiment, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit je ne veux plus rien recevoir, s'il vous plaît. Ah ouais, ne me donnez plus de nouvelles. Gentiment, hein, je leur dis. Ah ouais. Parce que, gars, la V1, elle était ignoble. C'est pas la V1 où tu dis non, mais bien remonter, ça va le faire. Non, là, il n'y avait rien à faire. C'était une catastrophe. Ah, je dis faites vos trucs de votre. Donc, je sais pas encore aujourd'hui combien d'anglais ont appris le français avec ces vidéos. Ça se trouve, c'est un truc claqué. Tous les anglais ont cette vidéo. C'est comme nous, on est avec toujours. Moi, j'avais une poubelle avec des bras. Il est jamais retourné en Angleterre, Julien, mais s'il y va, c'est une star. C'est genre Reno au Japon. C'est vraiment, c'est un. Moi j'avais une poubelle avec des bras qui apprenaient l'anglais, vous aviez passé. Bah maintenant c'est toi. C'est toi. Tu es la poubelle avec les bras. Ouais. En vrai, j'ai jamais eu de retour, donc je pense qu'ils étaient eux-mêmes conscients et qu'ils se sont dit non, mais ça va peut-être en retourner autre chose. Ils ont brûlé les bandes. Ouais, j'espère. Surtout qu'à l'époque on se connaissait, tu nous en as pas parlé, c'était très secret. Tu l'as un peu gardé secret, genre j'en parle pas trop. Voilà, en vrai j'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai réalisé, j'avais oublié en vrai aussi. Mais j'avoue, il y avait un vrai truc de. En vrai, c'est le pire truc que j'ai fait de ma carrière. Vraiment, c'est le pire truc. Parce que c'est presque adulte en plus. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait une meuf qui avait fait un TikTok pour dire qu'une anglaise qui elle apprenait le français en écoutant Floodcast. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? C'est vrai. Et du coup, elle limite Chirac. Je m'appelle. Pourquoi tu prends cet accent ? Je comprends pas. Je comprends. C'est l'accent français. C'est l'accent français. Pourquoi quand elle dit bonjour, elle dit crac-crac les pommes ? C'est trop bizarre. C'est pas comme ça qu'on dit bonjour. Trop vite, trop chelou. Et t'as pas trouvé de boulot du coup ? Mais non, j'ai trouvé personne qui m'a accepté. Les Français sont durs. Moi, une fois, j'ai reçu une demande de partenariat et je crois que c'était. C'était genre un savon pour les mecs qui puent de la bite, un truc comme ça. Quoi ? Ou alors peut-être j'ai extrapolé, c'était juste pour la bite. Genre le savon pour le petit Marseillais, c'est non, pour la bite. Savon pour la bite en tout cas, sûr. Et le savon, ça sert juste à glisser dans la baignoire. Hein. Et je me souviens d'avoir. Alors c'était. Il y a une raison pour ça, mais ça peut être vexant, c'est que j'avais dit je pense que vous vouliez envoyer ce message à mon frère. Non, qui pas qu'il puisse habiter, mais qui a une qui chaîne sur la santé. Donc je me suis dit, ils m'ont dit oui, on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. J'ai dit bon, à moins que j'ai une réputation de puer de la bite, je pense pas que ça pourrait m'intéresser. Tu l'as dit, ton frère va au Hellfest, donc. Oui, ça voilà, peut donc peut-être c'est vrai que je serais curieux que la prochaine fois que vous le recevez, posez-lui la question, parce que lui, il a dû recevoir des demandes improbables. Ah oui, dans le médical, ça va être vraiment incroyable. De ouf. Donc, alors oui, t'es plus de la bite, et donc t'as répondu quoi? J'ai répondu. Non, mais j'ai répondu. Ma bite sont parfaitement bonnes. T'as répondu, je vois pas pourquoi vous proposez. Faudrait que je retrouve. Mais ils ont répondu quoi? Je veux dire, pardon, excuse-moi. Ils ont dit ah oui, pardon, on s'est trompé. Oui, mais je crois que oui, je crois qu'ils ont dit oui, pardon, un truc comme ça. Mais surtout que le but après c'était que tu fasses de la promo pour ce produit. Bah oui. Et donc que tu fasses des stories, je l'ai testé. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que mon frère peut le dire, genre si vous avez besoin de ça, mais parce que lui il a le côté. Oui, tu regardes sa chaîne parce qu'il donne des conseils médicaux. Moi, c'est genre bon bah. Voilà, je pue de la bite. Mais ça va give it away. Oui, j'écoute les Red Hot. C'est pour ça que je pue de la bite. Si t'étais pleinement déconstruit, t'aurais pas peur de parler de ça, Adrien. C'est non, bah, bon. Pour le coup, c'est juste peut-être dans tous ces. Je pue pas de la bite. Voilà, j'allais le dire. Hein. Là, il y a une petite confusion. Je joue ma bite à une odeur normale. Hein. Tu me dis de parler de ça comme si c'était un truc qui était avéré. Je sens qu'il y a un petit quiproquo autour en de ce sujet. En fin de journée, je prendrais pas un bain dedans, mais ça va, c'est normal quoi. C'est des odeurs normales, ok. Toi, Camille, on t'a déjà proposé des partenariats, des trucs. J'ai eu très peur la question que t'avais posée. Toi, t'as déjà. Bon. Toi, tu prendrais un bain dans. Non. Non, un jour quand j'étais à Canal, on m'a fait livrer des fromages. Oh, sympa! Sympa! Sauf s'ils arrivent en retard. Et on m'a demandé une story derrière. Mais je me suis juste dit, voilà, je pense qu'à la grande époque de Canal, quand tu étais Miss Météo, tu te faisais livrer des robes Saint-Laurent. Moi, je me suis faite livrer. Tu pourrais demander à Louis Bourgoin, c'est la du fromage ou des trucs. À pâte dure, à pâte molle. Ils te l'ont livré comme ça, genre en surprise, et après ils t'ont dit, faites une story? Coucou, voici notre Instagram si vous voulez nous dégager. Ah oui! Oh là là. Moi, tu l'as fait ou pas? Je crois que j'ai tenté de le faire et après j'ai pas, je me suis rétractée. T'as pas assumé, ouais, t'as fait. Ouais. Non, mais moi, s'il y a pas d'accord. Déjà, j'ai avant... du mal à parler à mon téléphone, à faire coucou. Ouais. Donc, voilà, pour du fromage. Pour c'est du vrai. Fromage, j'avais pas quoi dire. Non, mais j'adore le fromage. Ok. Alors, j'ai une question. Je vais dire, moi j'ai géré le brand pendant un an de Golden, alors des pubs à la con. Hein. Oui, putain, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais ouais, nous on a vu passer des trucs fous. Et le brand, je précise pour les gens, peut-être le brand, oui, c'était le, la gestion des marques, les partenariats chez Golden. Quand on était à Golden, les marques parce qu'on était obligé de faire de la publicité, c'était la seule façon de faire un peu tourner la boutique. Ouais. Et de se rémunérer, et du coup on a vu passer toutes sortes de marques, et il y a beaucoup de choses qui sont pas faites, et heureusement, et des choses qui sont faites aussi, et malheureusement. Malheureusement. Malheureusement. mais non, mais là oui, j'en ai plus en tête, mais je sais qu'il y avait toujours cet exemple de on va quand même pas aller jusqu'à faire des pubs pour du fromage de chèvre, quoi. Ouais. Et la dernière que j'ai écrite, c'était c'était des crèmes fraîches, donc ouais. Mais c'est vrai que toi tu t'es un peu fait piéger, en plus t'as été égérie qui a pris des dieux. Ah putain, oui, je peux en parler. Valentin a été égérie qui a pris des dieux, on peut en parler si vous voulez. C'est encore la recherche, ouais, quand ouais. Tu tapes mon nom dans Google, c'est toujours à chaque fois il y a Caprice des Dieux après. Mais t'étais sur le paquet de fromage? Non. Comme l'enfant Kinder. Mais seulement en Angleterre, donc on peut plus foutre la pied avec Julien. Là-bas, je suis une star. C'est quoi sa vie à cet enfant Kinder là? Ah bah ouais, je pense qu'il y a un casting. Mais il est malade. Ils avaient refait un casting en mode c'est classe d'être dessus, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ils avaient changé l'enfant Kinder. Il y a longtemps. Donc sûrement des parents qui ont forcé leur enfant qui regrette maintenant. Moi j'avais envoyé ma photo, mais j'avais 26 ans, quoi. Et il m'avait envoyé un mail pour me dire non, vous êtes vous ne correspondez pas aux critères, vous êtes disqualifié. Ah, c'est mignon, ça veut dire qu'ils se sont dit peut-être qu'il a un petit souci, on va lui répondre gentiment. Il a la progéria, non, tout va bien. Oui, donc Valentin, Caprice des Dieux. Ouais, non, je vais faire très vite. On avait fait du coup plusieurs publicités pour Caprice des Dieux, justement avec Golden Moustache. Et donc je tournais dans une. On vous entend, les garçons. Ah, pardon, vous entend. Bah oui, il y a des micros autour de vous êtes fous, quoi. J'ai rien dit, moi. Laissez Valentin. J'essaie d'aider Adrien à retrouver la page sur laquelle on voit encore Valentin, je crois. Mais si, je te l'ai retrouvé. En fait, il faut le nom de l'OP de l'époque. Mais attends, mais ceci dit, c'est pour ça que tu me disais quelque chose. Bah, quand t'as reçu tous ces fromages gratuits, là. C'était pas juste du fromage. Donc, non, et du coup, je tourne cette publicité. Il y avait Éléonore aussi. Mais Éléonore aussi. T'as vu, il jette sous le train avec lui. Ah oui, quoi. Oui. Il y avait pas moi, hein, quand même, à l'époque. Et à l'époque, on ne lisait pas. Tu es encore aujourd'hui sur le site des Caprices des Dieux. C'est toi là. Oh putain. Ça par contre c'est plus ils ont plus le droit là. Là tu peux partir sur un petit procès. Oh, Caprices des Dieux là. Oh. Envie d'un tête à tête sans belle-mère, ni enfant ni coloc pour la Saint-Valentin 2017. Saint-Valentin en plus. C'était ta fête hein mon pote. Caprices des Dieux a organisé l'opération Caprice à deux, Caprice sans eux. Une série de 8 films a été réalisée en mettant en scène des astuces drôles. C'était... Non mais c'est sûr, c'est ça. Il y a ta photo. Et justement, donc ils voulaient des photos et en gros ils ont fait des photos sur le tournage. Et à l'époque, on faisait pas attention au contrat ni rien. Et donc en gros, j'avais donné mon accord pour avoir. Est-ce que j'ai appris après? Donc on tourne le truc. Il devait être une pub que sur internet qui finit par être diffusée à la télé. Ce qui est déjà fou. C'était hein, déjà fou. Hein, voilà, on appelle la spéciale hein. Golden. Hein. Et ensuite, je vois ma tête. Vraiment sur le site capricesdesdieux.com, c'était vraiment ma gueule en gros, comme ça avec un bout de fromage. Et je pouvais rien dire. On me dit ah si t'as dit que tu avais le droit. J'ai rien dit, je suis assez trop con pour le lire. Bah, pour on lire avait pas d'agent, on avait rien. C'est ça, on avait rien. Là, et le truc c'est que ça disparaît, et sauf que je crois que c'était pendant 3 ans, comme à chaque Saint-Valentin. Ça revient régulièrement. Non, mais à chaque Saint-Valentin, ils rechangeaient leur site pour remettre en mode Saint-Valentin, et comme c'était des pubs Saint-Valentin, bah, de nouveau ma gueule. Et donc pendant 3 ans, j'ai eu aussi ma tête dans un Darty. avec McFly ah bah oui. Pour mettre vraiment tout le monde voilà. Et non, mais on avait fait une pub Darty qui était une catastrophe, extraterrestres. Ouais, qui était une catastrophe. Ouais. Et en fait pareil, j'ai appris qu'elle était diffusée dans des Darty en boucle pendant je sais pas combien de temps. Alors moi j'ai eu, parce que j'avais fait le truc Vivez le Dop où j'étais en extraterrestre, bien sûr, bleu, ouais. Là, et je crois qu'il y avait des PLV de moi genre à Leclerc ou des trucs vraiment c'était pas du tout le deal, quoi. Mais bon, sans doute que si, mais j'avais pas d'agent non plus à l'époque, et donc j'avais juste tourné cette pub, et après on m'avait dit ouais bah il y a des PLV de toi à Leclerc au rayon gel et tout. Je suis genre ouais, super génial. Et les Caprices des Dieux, ça avait été doublé en allemand, et ça c'est ce que j'ai préféré, parce qu'on m'a envoyé les pubs doublé en allemand, donc c'est déjà moi qui fais une pub. C'est rigolo, une langue étrangère peut-être. Non, mais c'est de se voir. C'est toi le raciste du groupe. C'est pour dire que j'étais exporté. Faudra mieux que ça. J'ai été exporté à l'international et c'est très drôle de se voir doubler dans une autre langue, mais pour une pub pour le fromage. Quoi. Mais ça, c'est quand même un truc de Rosta, quoi. Le jour où t'es doublé dans une autre langue. Ouais. Mais le jour où t'es doublé pour une pub Caprice des Dieux, c'est pas tellement un truc de Rosta. Ouais, mais tu dis pas pourquoi c'est, tu dis juste. Tu t'es vu doublé toi dans les films que t'as fait? Bah non. Non. Je crois pas. Ça a pu être fait quand même. Peut-être tu as cherché ça. Sache. Tu vas chercher ça. Tu vas trouver. Pas que je sache. C'était Léonore, elle, qui avait un truc où elle avait fait, mais quand elle était hyper jeune, des shootings pour des photos. Oui, mais oui, que dalle. Oui. Sauf que c'était des photos genre des stock shots en fait. Et, même encore maintenant, elle se retrouve dans des articles, dans des pubs. Vous savez, les magazines un peu pourris, genre Nous Deux, ou les trucs comme ça, tu sais, où il y a. Nous Deux ? Ouais, c'est des espèces de magazines pour vieilles, un peu, que tu trouves beaucoup chez le coiffeur, ou des trucs comme ça. Avec des espèces de romans photos. Pour les photos. Gens qui regardent le Tour de France. Oui, voilà, c'est ce genre de personnes, tu vois. Les films de Villeray. Voilà. Là, et en gros, t'as tout le monde en prend, hein. Ah, ouais. Moi, je suis un gars, raciste. Et Matt Matter, on a rien dit sur Matt Matter. Je suis un gars raciste. Non, ça fait plaisir de voir les gars. Nous, on a été contactés là récemment. Oui, c'est Mitterrand qui a demandé. Il équilibre un peu. Ah oui, je veux dire, il n'y a pas que toi qui a un gars. On est tous dans le même bain. Ringard, ouais, je me suis fait engueuler par le ringard, le fameux ringard. Par Daniel Prévost, qui m'a dit ta gueule. Et un des meilleurs moments de ma vie. Ta gueule. Il m'a ta gueule. Tais-toi, non, tais-toi. Ah non, tais-toi, oui, c'est vrai. On a fait une émission de radio avec lui. Et d'ailleurs, j'ai vu son trix qui est assez balèze. C'est-à-dire que tu dis un truc, il va dire pardon, et tu répètes un truc, il va dire tais-toi. Il te fait répéter pour te mettre un petit tais-toi. J'ai adoré. Des grands moments de ma vie. Bah ouais. Nous on a été approchés avec Adrien par la marque Dorcel récemment. Oui, c'est vrai. La marque Dorcel. La marque Dorcel. Oui. Ah oui, ah oui, ça marche. Bah oui. C'est... Je l'ai fait sans mon compte maintenant, c'est fou. C'est de la poésie. C'est du DeVos. Je suis MC Solar. MC Solar, DeVos, c'est te dire. Voilà. On est à la pointe, on aurait pu dire Nekfeu, on aurait pu dire. Non. C'est vrai. Donc oui, Adrien avait fait un jeu où il donnait des titres de. Enfin, où en gros, il fallait trouver des parodies porno des films. Et Dorcel nous a dit écoutez, et on avait dit ça nous ferait marrer, ça nous ferait marrer de faire un porno. Et Dorcel a fait écoutez, si vous êtes... prenons un café pour en discuter. C'est qui, c'est Babor qui a fait ça, je crois. C'est non ça, Babor, ouais. On parlait de Babor et on a dit nous on est chaud pour le faire aussi. Et du coup, ils nous ont dit bah les gars, discutons-en. Ils ont dit, discutons-en. Mais d'ailleurs, et vous tournez quand du coup Surprise, Valentin, il y a trois caméras. Faut que je fasse des ados un peu après. Moi aussi, c'est pour être doublé en allemand. Moi, tu sais, qui m'a approché aussi perso, parce que du coup, je fais des petites stories des fois un peu avec mon bébé où on montre un peu la main tout tranquillement, tu vois. Il y a une marque de sécurité pour enfants kidnappés. C'est-à-dire oh, que c'est un truc. Alors voilà, on se lance sur le marché français et en gros, c'est parce une espèce de. Ça démarre fort. Et en gros, c'est une espèce d'une appli pour voir où est ton enfant tout le temps. Pour, comment bah, tu mets un truc, une espèce de beeper. Comment peut-être dans quelle époque vis-tu? Comment, t'as quoi, à savoir où est quelque chose en temps réel? Je veux dire, un kidnappeur qui voit que le gosse il a un boîtier à la taille, le premier truc qu'il fait, c'est le jette. C'est petit, Adrien. Je pense que c'est un petit truc, ouais. Je pense que c'est un truc que tu mets dans son sac à dos ou dans un truc une comme puce, ça. Sous la peau, mais non, mais vous rêvez, les gars, ça existe pas. Non, mais de cette taille-là, c'est genre. Mais l'Apple machin, c'est quoi? Mais les téléphones comme ça. Dans un sac à dos. Non, mais rien, les téléphones que les mecs se mettent dans le cul. Ton bébé, il a un sac à dos. En prison. Ton bébé, il a un sac à dos. Ton bébé. N'importe quoi, mon bébé a un sac à dos. Si. Il a un sac à dos, mon bébé. Et alors? Non, mais je veux dire, les trucs GPS, que, exemple, c'est gros comme ça. Ce qui ferait Michel Fourniret, c'est qu'il prendrait le sac à dos, il le balancerait. C'est vrai, bien sûr. C'est enfin, en fait, après, tu parles d'un professionnel aussi. Bien sûr. Oui. Ils n'ont pas tous son niveau. Mais, non, peut-être mais qu'on peut résumer comment bien kidnapper un enfant. Non, voilà. Un boîtier GPS, un tracker GPS, c'est quand même gros. Ça n'existe pas, les trucs tout petits. Je pense qu'ils m'ont contacté, mais qu'ils ne. C'était pas sur les bébés, je pense que c'était la petite enfance. Et donc, je pense qu'il y a un truc. Eh bah, achète un AirTag et voilà. Bah, écoute, c'est petit. C'est petit. Les AirTags. C'est pas très pas gros. Si petit que ça. j'en ai 5, donc je peux le dire. J'ai une question pour vous. Donc à qui appartient le pénis le plus vu du monde? Et un indice, je n'ai pas quelqu'un autour de la table. Bah non, moi Rocco aussi. Non, ce n'est pas une star du X. Mais ah, c'est un mec qui est dans le Guinness Book pour un truc. Alors, il est pas dans le Guinness Book. C'est une statue. Enfin, c'est quelqu'un qui. Bien vu, mais c'est pas une statue. C'est ah, Ken, un tableau. Ken de Barbie et Ken. Non. Ah, ah non, oui. Il a pas de bite. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait mouler son sexe qui a servi au sextoy? Non. Non, mais c'est une peinture. C'est pas une peinture. Bon, c'est pas une sculpture. Une œuvre d'art. Pas une œuvre d'art. Bon, dis donc. C'est quelqu'un qui est encore en vie aujourd'hui? Mais alors, attends. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui est encore en vie aujourd'hui. C'est une photo célèbre. Et qu'on va recevoir à la fin de l'émission pour nous en parler. Une photo célèbre. C'est une photo célèbre. Tu touches du doigt la réponse. Une photo d'un mec à poil. Mais attends, la personne, c'est elle Nevermind, est... C'est la fiche de Nevermind. Ah, c'est le petit bébé de... Non. Ah, mais bien vu. Bien vu, mais c'est pas lui. Et si, je pense que c'est lui. Je vois qu'il essaie d'être particulièrement sympa avec moi. Non, parce que après j'ai dit, et pas un gars en plus. Est-ce que la personne en question est célèbre au-delà de ça? Non, pas du tout. On ne connaît même pas son visage, pour être tout à fait honnête. On connaît pas. Ah oui, voilà. Donc c'est vraiment le sexe, uniquement le sexe. C'est dans sur Wikipédia, l'article pénis. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Là oui. C'est l'image. Et c'est celui de Julien. Brillant. C'est comme je suis sur Wikipédia. C'est pour Wikipédia, t'as pas de bol avec les photos. Alors, il faut savoir que ça a été quand même tout un travail pour Wikipédia pour trouver la photo. Pardon, je l'ai imaginé avec un zep. Du coup, comme on a dit qu'il y avait les pénis zep. Oui, un pénis avec un zep. Oui, un pénis zep. Non, parce que en fait, il fallait trouver. C'est Hitler pour moi. C'est un pénis Hitler. Il fallait trouver quand même la. Il y a eu beaucoup de ténacité pour trouver ce pénis parce que nombreux sont les engins qui ont tenté de prendre sa place sur Wikipédia. C'est comme vous le savez, Wikipédia c'est participatif. Ah oui. Et donc il y a plein de mecs qui ont dit oh, bah je vais être ma bite. Oui. C'est bien pour rester. C'est bien pour rester. J'avais checké Cario. J'ai les mains qui sentent la viande. Moi quand je cherche pénis, premier truc c'est pénis d'éléphant, la première photo. Alors oui, bah, après ça dépend de ton historique aussi. Ah, tu sais, c'est les portables, ils entendent sur Wikipédia, tout ce qu'on dit, je parle. Hein. Oui. Sur Wikipédia, la première photo, c'est pénis d'éléphant. Mais attends, mais est-ce que tu tiens dans la main là? C'est-à-dire que si tu te déplaces, les gens vont savoir où tu l'as posé? Non, ou... ça y est, pénis humain. Voilà. Ah, c'est. Wow. Oh, donc, bon, ça va. Non, il est particulier. En fait, il est semi-décaloté, ça me perturbe. Oui, bah, mais juste un entre deux. Mais alors, justement. Non, mais je. Regardez. Ça pourrait être ma bite. Écoutez-moi bien. Et sans doute celle que j'ai le plus vue, moi. Donc, tu confirmes. Je confirme. Alors, écoutez-moi bien. Parce que ce pénis sur Wikipédia a eu plus de 8440 versions différentes. Wow. 8440 changements de la photo du pénis sur le Wikipédia de pénis. La toute première version de la page n'avait pas d'illustration, évidemment, puisque c'était en 2001, le 8 novembre. Et plusieurs actes de vandalisme ont tenté d'introduire des représentations comiques sur la page. Un mec déguisé en pénis. Évidemment, des vedettes qu'on a envie un peu de titiller. Voilà, des la bite de. C'était qui Ah, je sais son nom. Aïe. Carly Kravitz. Non, c'est Lenny Kravitz, on avait vu sa bite sur scène. Ah oui, oui, parce qu'il avait un cuir qui avait craqué et on avait vu la tub sortir. Ah ouais. Oui, très bonne vidéo que je vous conseille. C'était Marocco à la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, un 29 avril comme un autre, en 2012, un utilisateur nommé Costone a uploadé l'image de ce pénis sur la toile. Et le lendemain, il a déjà été choisi pour être la représentation officielle de la verge humaine. C'est sa bite, au mec, non? Je sais pas, peut-être. Pas trop blanc, pas trop noir, pas trop grand, pas trop petit, un pénis moyen, centré, pas extrême. Peu de poils. Ouais, mais pas trop, pas non plus un berbe. Et je précise aussi que tu dis il est à moitié décaloté, mais ça a un intérêt, c'est que du coup, il y a une légende où ils peuvent pointer vers le gland, le méa urinaire et tout ça, qu'on verrait pas si c'est vrai, évidemment. Non, mais très bon choix, effectivement. Un spécimen parfait parce que pour c'est... représenter chaque pénis. C'était monde. Antisémite de la part de Julien, c'est pour ça. Mais attention, ce n'est qu'un pseudo et du coup personne ne connaît le visage et le nom réel du pénis le plus vu du monde. Voilà, une belle histoire. Et est-ce qu'il se fait de l'argent avec ça? Bah pas du tout, non, c'est participatif en fait. Non, tu sais, c'est Wikipédia, à chaque fois quand il va, ils te disent oh, je voulais pas donner un euro quand même parce que c'est gratuit. Donc c'est pareil, je pense qu'ils ne redonnent pas d'argent aux gens qui mettent les photos. Et alors si tu donnes une fois à Wikipédia, ils te harcèlent. Enfin, c'est pas tellement qu'ils te harcèlent, mais quand ils envoient un mail, t'as l'impression qu'ils sont sur le point de crever littéralement quoi. J'ai honte de te demander ça, mais je n'ai pas d'autre choix et tout. Mais calme-toi, c'est bon, Jimmy Wales. Wikipédia. Écoute, ça va, calme-toi, Wikipédia. Et en plus, des fois c'est Jimmy Wales, des fois c'est une autre meuf qui a un autre nom et tout, donc on dirait une arnaque en plus, c'est ça le pire. Mais pourquoi tu reçois des mails de Wikipédia? Parce que j'ai donné. Moi, ils m'écrivent pas du tout. Hein. Parce que j'ai donné de l'argent à Wikipédia. Ah, j'ai fait des. Ils acceptent la photo de sa bite, mais c'était un deal. C'était en 2011. Donc j'ai dit, bah, écoutez, quand vous aurez remis la photo de ma bite, qui était très bien, qui ressemble à fond à celle que vous avez déjà. Donc... En fait, pourquoi l'avoir changé si c'est pour mettre celle-là? Excusez-moi, vous auriez pu la garder. Pénis toujours. Un homme a perdu le sien d'une étrange manière. À votre avis, laquelle? Un magicien. Il est allé voir Mesmer et il dit, vous n'avez plus de pénis. Et après il est parti. Il a baisé un chapeau. Terminé. Ça a disparu. Il a éternué. Non. Quoi? Je sais pas. Paf. Le truc qui tombe. Non, c'est mal accroché. C'est une légende. Une circoncision un peu trop. Ah oui. Ah oui. Vraiment. Ouais. Oui. C'est le maire. Vous en fait. Êtes le maire. Avec un les couilles. Non, non. C'est vous vraiment. Êtes, vous êtes le rabbin le plus mire du monde. Avec un sécateur, c'est normal. Ah, c'est peut-être un mélange des deux. Un rabbin qui a éternué, tu vois. Ah, la tuile. Aïe, aïe, aïe. Allez. Bon, bah fin de journée, hein. Bon là, là je l'ai bien. Il y a peut-être un titre là. Pour le coup, je vais chercher un titre. Ah, Dieu, il est très content là. Hein. Alors non, c'est un truc. Il n'y a pas eu d'intervention extérieure, disons. Le pénis est tombé. Un orgasme encore trop. Non, parce que vraiment. Est-ce qu'il s'est mis un. Quel relou pour l'autre. Oh là là, c'est resté en moi, malheureusement. Est-ce qu'il s'est mis un cock ring et du coup son pénis s'est nécrosé? Non, et... non. Est-ce non. qu'il est comme les lézards et genre de temps en temps il perd sa tombe et il y en a une qui pousse? Le petit mime. Ouais, vous avez pas eu le mime. Mais... Imaginez une petite brasse. Alors il ne s'agit pas d'un lézard. Non, non, il ne s'agit c'est pas. C'est un truc du coup. Alors, attends, c'est lui. Est-ce qu'il a été sectionné? Pas alors, d'intervention extérieure. Tu l'as dit. Regardez. Non, mais oui, parce que c'est plus. Parce que ça, il pourrait avoir, je sais pas. Pardon, hein, non, mais non, pourri, non. Je, ouais, alors, ça tombe. C'est un peu ça, la circulation a été un peu coupée. Ah, ouais, ouais. Mais c'est pas comme le mème de Denis Brognard, tu vois. Oui, ça. Bien sûr. Alors, c'était voiture. Non, c'est... J'allais balancer sur Lucien, mais tant pis. Non, mais il a balancé. Le dire. Il a balancé lui-même dans notre émission. Il s'est texté sur Twitch, je crois. Skip sur Twitch. Non, je voulais pas en parler. De toute façon, il n'y en a plus depuis un an. Donc, oui, en plus, il n'y a rien à voir. Mais où il nous racontait un truc, c'était avec son frère, je crois, où il tirait très fort sur sa tub. Il croyait que pour se masturber, il fallait tirer très fort sur sa. Et donc, je me disais, peut-être c'est le frère de Lucien, mais non, pas du tout. Pas du tout. Oui, il a dit qu'il allait retirer bientôt. Et donc c'est lui, il a fait quelque chose qui a coupé sa circulation. Non, il lui est arrivé quelque chose. Un accident. Alors sachez que attendez, une poutre qui tombe. Il jette un objet lourd et il l'a posé et il l'a posé sur lui. C'est Bill Coyote, il voulait attraper le bip bip. Il était nu dans un ascenseur. Un déménagement de qui a mal tourné. Oui, quoi. Et voilà, très mal tourné. J'ai mis dans la De quoi? Nu dans l'ascenseur. Non, quatrième. Non. Aïe. C'est la scène, c'est marrant. La scène de Resident Evil. Alors, vraiment, je ne possède pas du tout bah cette. Oui, c'est ça. Mais... On dirait une scène de Scary Movie, tu sais. Tu prends la scène de Resident Evil, mais avec la bite coupée ou la fille. La bite coupée. Voilà. Ça a dû être fait. Je suis sûr que je l'ai vu. Sinon, faut le faire. Alors, ça, en fait, ça a pas vraiment été sectionné. Ça a failli être sectionné, pardon. Je m'auto-corrige. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Oui. Mais t'arrêtes ton émission. Ah, pardon. Non, ça a failli arriver. Ça a été traité à temps. Il y a eu une je vais vous dire des termes peut-être un petit peu voilà ouais, qui vont un petit peu sûr. vous trigger hein, pour utiliser des termes que qu'Adrien maîtrise à la perfection car il est parfaitement déconstruit tant qu'il y a un warning hein. Ça a entraîné une érosion de l'urètre, voilà, une petite érosion. Il s'est mis des trucs dans l'urètre, il pas s'est... du tout. Non, l'urètre a été laissé tranquille par le l'homme bien aimé, le encore, parce qu'on sait que c'est... Alors, il l'a pas cherché, non il en a été vraiment victime. Il a pas fait des trucs un peu foufou avec lui, a soufflé dedans. Non. Comme un vulgaire ballon, tu veux dire. Comme un bignou, je pensais, moi, mais. Est-ce que ça peut nous arriver à tous? Parce que je commence à être inquiet. Eh ben, alors, oui. Est-ce qu'il est question d'urine? Il n'est pas question d'urine. Est-ce qu'il a je te remercie d'avoir posé la question. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il a confondu son gel douche avec un produit toxique? Enfin, non. Mais ça, dis-toi, une fois plus jeune, ça m'est arrivé. Aïe. Non, le gel douche, et j'ai vraiment eu peur. Je m'étais bien lavé le pourtour, disons. Et j'ai eu avec mal. Avec du canard WC, hélas. Non, avec du gel douche. Et ça me brûlait toute la soirée. Et j'ai paniqué de ouf. Tu t'es juste trop branlé. Non, c'était le gel douche. Ça sert pas à ça, le gel douche, t'as dit. On l'a répété au moins 4 fois. C'est dans la baignoire. ça pourrait arriver aux garçons autour de la table. Un produit appliqué sur son habit. Non, c'est un syndrome. Hein. C'est un syndrome qui peut arriver, qui a un nom, que les médecins ont nommé. Ah, il pleut. Bon, voilà. Syndrome. Je regarde ça depuis tout à l'heure. Oh, les dentons. J'ai pas pris de manteau. Oh, bah, y a un pigeon. Oh là là, dis donc. Tu sais plus comment t'habiller le matin parce que t'as envie de te mettre en t-shirt puis après il flotte. Non, mais ça. Non, mais attends. Il flotte. Dis pas ça, putain. Non, c'est un syndrome qui peut arriver. En fait, il n'a rien fait à son pénis pour mériter ça, j'allais dire. Il lui a rien. C'est le pénis qu'on a marre qui fait aller. Bon, allez. Terminé. Je prends les valises. Ouais, c'est pour qu'on me tire dessus. Pour un oui, pour un non. C'est le syndrome du pénis psychologique. Imagine vraiment mettre un chapeau, un imperméable. Ouais, c'est psychologique. J'ai assez bossé. Non, on bosse plus. C'est pas psychologique. Non, c'est vraiment la santé médicale. C'est après avoir mangé quelque chose. Non, voilà. Le pénis qui se rétracte. C'est une allergie, une allergie. Pas une allergie. Pensez pénis, pensez voilà. Il fait trop froid, il fait trop froid. Pas lié à la température. Pas lié à la température. Que ça. Non, un syndrome. C'est en s'habillant. Un contact avec non. un truc. Mais, tu ouais. t'approches. Ah, un frottement. Ça s'est passé où dans la rue. Non, c'était chez lui. Ah, il s'est pris un éclair. Ah, chez lui. Bon, il s'est du pas calcaire. Pris un éclair. Non, il a pas été foudroyé par la foudre. Du calcaire dans l'urètre. Non, pas du calcaire. Est-ce que c'est un truc comme dans la vaisselle oui. Pourquoi tu montres quand tu parles de. Non, la vaisselle derrière. Non, mais c'est une forme, quelque chose qui se forme dans l'urètre. Autour de l'urètre. De la javel. Non. Non, non, un truc qui se forme, le pénis peut pas créer de javel. Ah, genre, il est. Ah, c'est de la javel qui se forme. On se lave pas avec. Je me disais, toutes mes fringues sont abîmées. Mais oui. Est-ce qu'il se l'est jamais lavé? Alors, il y a un truc de. Non, j'aime pas ça alors. Oui, non, voilà. Non, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin, mais. C'est un phimosis. On parlait de fromage tout à l'heure, donc. Non, on n'est pas là-dessus. C'est pas un phimosis. Pas... Qu'est-ce qu'un phimosis? C'est un film, pour moi, c'est une trilogie. C'est un phimosis, c'est un champignon qui fait que ça. Le... Ah, qui empêche le sang de passer. Du pénis qui se rétrécit. Non, mais c'est un truc. Il y a une photo sur Wikipédia pour illustrer. Le fameux Blue Waffle, je sais pas si vous vous souvenez, tu disais genre. Googleisez Blue Waffle et l'image est atroce. Ne le faites pas, bien sûr, si vous nous écoutez, faites-le. Non, c'est un truc extérieur qui effectivement a un peu le même effet. Mais c'est... pensez à ce qu'il y a autour de votre pénis ou des pénis en général d'ailleurs. Pas d'ailleurs pas. Ma main. hélas. D'ailleurs, je dis ça, mais pas chez tout le monde. Des poils, des poils. Donc, il a des poils partout sur la bite, y compris sur le gland. Le syndrome du garrot capillaire. Oh. Ah, le garrot capillaire. Ah là. Il a pas compris, on avait garrot capillaire. Il y a un pénis qui parle très fort. Putain, mais j'arrive plus à pisser. Ah bah c'est normal, Garou me serre le pénis jusqu'au sang. Est-ce que vous êtes allé à un concert de Garou récemment? Vous allez laisser votre pénis sous le vent ou... Comme si vous hissiez une grand voile un peu, enfin je sais pas. Ah, c'est pour ça qu'on vient là. Les petits débriefs. Pénis sous le vent, je trouve que. C'est plus bien, il a que possibilité. Ouais, bah, il y a quand même pas mal on peut le noter. En gros, c'est un syndrome où les cheveux ou les fils s'en mêlent étroitement autour des organes génitaux, des doigts et autres extrémités. Affectant généralement les enfants, l'infection peut couper le flux sanguin, obligeant les parents à subir une intervention chirurgicale, voire hélas, une amputation. Ce natif de Guilong, âgé de 57 ans, qui n'aurait pas été circoncis, était présenté à un médecin de famille après avoir souffert d'une douleur extrême et d'un gonflement du gland, terme scientifique qui désignant le bout du pénis, ça m'a fait un peu rire. Oui, le gland, ah oui, ouais, bah bon, ouais, mais tout le monde ne sait pas forcément. Pendant 2 semaines, cependant, les médecins n'ont pas remarqué le coupable car ils n'ont pas vérifié sous le capot, disons, ce qui a permis à des symptômes de s'aggraver. C'est un garagiste qui a fait le truc, qui a fait l'article. Ah bah, c'est, oui, c'est écrit par Alexandre Astier cet article. il a débarroulé sous le capot et puis voilà. En gros, voilà, et donc c'est, les poils pubiens se sont accumulés sous le prépuce et après une accumulation et un temps important, les brins simples se sont emmêlés pour former un anneau serré. Moi, je me demande toujours, il met quand même vachement de temps à réagir parce que faut quand même. Ouais. C'est long, un garrot. Pour... Non, mais il y a des gens. Alors ça, cela dit, moi, quand j'étais adolescent, pour revenir à cette histoire de gel douche, il y a un truc justement de déconstruction et de t'oses pas y aller. Tu dis non, mais ça va peut-être. Ou comme ton doigt de pied, où t'as attendu que. Ouais, alors ça c'est autre chose. Sur mon orteil, j'ai eu une opération chirurgicale de l'orteil. Mais non, ce truc, je pense qu'il y a quelque chose de, oui, de pudeur. En fait, les mecs osent pas y aller en se disant non, oui, ça plus t'attends, plus t'attends. Je pense après, tu dis bon, là, de toute façon, c'est trop tard pour y aller. Mais genre, ça, vous avez pas eu ça, ce truc de des fois vous avez mal quelque part et vous dites non, mais ça va pas. Je suis beaucoup trop hypochondriaque. Pas à ton âge, je suis allé à l'hosto pour mon doigt de pied. Non, mais surtout, t'as mal à cet endroit là, tu ça fait mal très vite quand même. Donc, je suis étonné. Oui, mais en même temps, c'est quand même l'endroit que t'as du mal à aller voir. T'es moins enclin à montrer quoi. Donc, en tout cas, ce garrot avait été tellement resserré qu'il avait comprimé le membre jusqu'à 1 cm de diamètre. Il a complètement divisé son urètre. Selon le... On avait trouvé la réponse. Ça fait un sablier, une bouche à la reine. Ça fait un sablier. Alors, bon, en tout cas, peut-être petit conseil à nos amis, puisque les experts le disent, cet accident anormal a été causé parce que l'homme a négligé de nettoyer correctement la région des parties intimes. Ah d'accord. Ah donc les poils s'ils s'accumulaient, enfin tu vois, s'il avait un peu décaloté, nettoyé et tout, les poils ne se seraient pas accumulés dans le prépuce, tu vois. Ah ben Attends, ouais, attends, je crois que j'ai raté un truc. En fait, il a ses poils, ils poussaient pas sous le prépuce. Non, ils poussaient autour et ils se sont rentrés dedans et ont tournoyé. Oui. Mais il avait beaucoup de poils, quoi. C'est ça que je veux te dire. Il avait une. Ouais, d'accord, mais quand même. Non. tout de même. J'ai une petite pensée pour tous les gens qui ont écouté le Floodcast dans le métro et qui sont comme ça, qui grimacent. Et tous les gens qui vont aller au Hellfest qui se disent oh, il faut vite que je vérifie. Faut que je me nettoie. Parce que les métallos sont sales. Moi je suis un fidèle de l'émission, Julien. Ah merde, j'ai loupé les. Moi c'est les fans des Red Hot à la base qui puent de la bite. Ah oui, bah ça j'avais. On peut étendre. J'ai extrapolé tout du métal. En plus, on étant fan de Kaamelott, de métal. Bon, du coup là il y en a pour tout le monde. Bon, s'il y en a bien un qui est intolérant autour de cette table, je me demande bien qui c'est. L'homme déconstruit. Oui, moi je suis pas raciste comme ça. Une baston a éclaté en Vendée pour une raison un peu surprenante. Le puits du fou. Non, pas en rapport avec le puits du fou. Le puits du feu. Il est parti le show là. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que c'est parti en vrille? Le côté Vendée ne vous aidera pas. Voilà, c'est la brioche. C'est pas le plus. Ah, du fou, mais je crois que je l'ai. On a trouvé juste la raison d'une baston. D'une baston. Bah, en posant plein de questions. Bienvenue. Je crois qu'on me l'a envoyé, un truc comme ça. Donc je vais. Un désaccord, très un certainement. Truc très personnel, en tout cas. Un désaccord. Ah, si, ça y est, je crois que j'ai vu aujourd'hui. Donc il y a quelqu'un qui n'était pas content. Politique, c'est politique. Un contentieux. On peut se dire un contentieux. C'est pas politique. Ce n'est pas politique. C'est une raison assez illégitime de se battre. Pour moi, écoute. Ça dépend. C'est déjà une raison illégitime de se battre. C'est moi, je suis un grand humaniste. Particulièrement, je vais abuser quoi. Voilà, là, en tout cas, c'est même fou que ce soit parti en vrille. Il s'agit de deux personnes de sexe masculin. Évidemment. Ouais, évidemment. Il y aurait que des femmes, il n'y aurait pas de guerre. Oui, c'est exactement ça, Adrien. Bien joué. C'était la chanson de Renaud que tu viens. Ouais, c'est moi. Alors, ils ont débattu d'un truc, effectivement pas politique. Mais un truc d'alcool, enfin une boisson. Pas d'alcool. De bouffe. Non. Est-ce qu'ils étaient impliqués personnellement sur le Mont-Saint-Michel? Personnellement. D'accord, donc c'est pas juste un débat idéologique. Que deux. Sur le Mont-Saint-Michel, ils se sont dit pourquoi on le demanderait pas nous aussi. Non, ça n'a rien à voir. C'est très loin, Michael. Ouais, oui, attends, c'est pas politique, c'est personnellement. Ouais. Ça, c'est pour le coup, c'est un très bon indice. Ils se connaissaient d'avant. Bah je sais pas. Oui, ils se connaissaient, je crois. On est plus sur le pénis là, il y a pas plus de rapport. Si ? Oh non. Ah non, il y en a un qui a mis des poils dans le pénis de l'autre. Non. Juste il se comparait à la taille. Je sais pas comment laisser s'adapter à l'émission, bah c'est des poils qui sont là. Est-ce qu'il se comparait la taille du pénis ? Hélas, et ça c'est bien les hommes. Je coince un peu ma main. C'est pas tout à fait ça, nous dit. Bah tu l'as. C'est ça. En gros, quelqu'un vient mon chéri, on va aux toilettes. Quelles étaient vraiment les intentions de Matisse, 40 ans au moment des faits, lorsqu'il a invité Charles, son ancien collègue de travail, à le rejoindre dans les toilettes au cours de cette soirée du 19 septembre 2020 à Chantonnay en Vendée. En réalité, le quadragénaire, natif de Bucarest, vient d'effectuer une proposition très étrange à son hôte, qu'il a invité chez lui pour fêter son anniversaire. Il veut que Charles lui montre son sexe afin de le comparer au sien. Ah, pour savoir si... Ah, mais je l'ai vu. Qui c'est qui a la plus grosse? Mais en fait, je crois qu'il doit y avoir sans doute Baptiste Lorbert qui a dû. Parce que ce gros ringard partage tous les trucs de à juste titre, donc. avec un smiley qui pleure de rire, donc. Je pense que je l'ai vu comme ça. Ah, je l'ai vu aussi, j'avais oublié. Et celui qui a les yeux qui partent comme ça avec la langue. Ah, ouais, voilà, là, c'est sûr. Quand c'est vraiment. Attention. J'ai les poils là, tu m'en parles, ça m'hérisse les poils. Donc Mathis est pris de violence, pousse son ancien collègue dans l'escalier, se jette sur lui, il lui fait des coups de poing. À ce moment-là, aux alentours de minuit, ils ne sont plus que 4 dans la maison, les deux hommes ainsi que leurs compagnes respectives. Ah, pardon, c'est allé très vite. Ils se battent parce qu'il lui a demandé de le voir ou parce qu'ils ont un débat. Compte, c'est ça qu'il essayait de lui. Ou parce qu'il y a eu un débat de genre. Bah, il était déconstruit. Non, je crois qu'il lui a dit vas-y, on les compare et l'autre s'est énervé et ils se sont battus. Ah oui, d'accord. Il demande pour le moins inattendu que Charles, très alcoolisé, refuse catégoriquement. Le ton monte et rapidement la colère de son invité. Montre-moi ta table. Bah c'est vraiment ça. C'est ça. Mais t'as fait ferme ta gueule, je monte pas ma table. Ta baston, escalier, jeté. Les gendarmes de Chantonnay sont appelés pour intervenir aux alentours de 1h50 du matin. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de en parlant de voir des tubs, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Oui, est-ce que Julien, on peut parler de ce Japon, de ce voyage au Japon et de ce onsen au Japon? Je te laisse, si tu veux le raconter. C'est un peu coupé. Non, il y a aucun problème. Quand on a filmé un cadavre dans la forêt. Non mais du coup, on est au Japon. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais en. Bah j'espère pas, parce que ça me concerne. Le fait que tu poses la question. tu veux, mais fait un peu peur. En vacances avec Julien, et on se dit, tiens, on va faire un bain, un onsen, donc les bains, comment on appelle ça, ah ouais, la nature traditionnelle. Ah, c'est un onsen où on chante douap. Ça n'a rien à voir. Alors, des fois, on peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut aussi. Et donc, c'est à poil, mais on se connaît suffisamment bien avec Julien, et on se dit, bon, c'est pas grave. Allez, on a vu d'autres. Et donc, on arrive dans ce truc, donc, quand même très gênant, parce que bon, je dis, on se connaît suffisamment bien, mais il y avait quand même un truc un peu, c'est la première fois que tu prends un bain avec un pote à toi. Bien nu. Sûr. Et donc on finit par se dire allez c'est bon maintenant tant pis on y va, donc on rentre dans le truc, on monte au bain le plus loin, c'était assez grand. Et donc en on était différents bains, il y avait différentes températures au fur et à mesure. C'est ça. Et vous êtes à poil ? Oui, tu as une petite serviette le temps d'aller dans le bain. Ah oui, voilà quand même. Tu marches pas nu avec ton pote. C'est ça, c'est quand tu déconstruis. Nous on avait la petite serviette mais d'autres non mais très vite on l'a fait tomber, tout le monde se balade à poil. On fait tomber les serviettes et c'est devenu une chanson d'ailleurs. Ça ferait une bonne suite. Vous montrez ça à Biscuit. Et on l'a posté sur Wikipédia. Ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Je l'ai senti en chantant. Non, par contre, t'es parti sur un truc très lyrique. T'es parti sur. C'était London Symphonic là qui est arrivé. C'est pas très Patrick Sébastien comme ça, mais oui. Et pourtant, j'ai écrit le Overwatch Rap Battle. Hein. Mais. C'est dire. C'est vrai qu'on a deux auteurs de rap là. Pourtant de là, des parce que l'assassin des Templiers et Overwatch Rap Battle. Ouais. Oh, et donc on monte parce que c'était des bains qui il y avait différents étages de bains en plus. Ouais. C'était dans la nature, donc on voyage avec notre petite serviette pour tout cacher. On arrive dans ce dernier bain où il y avait juste une ou deux personnes. On se dit bon allez on se met là, on va être tranquille. Là Julien, pour moi vraiment t'es passé à bah, l'entrée est à côté des gens. Si c'est tu ça. Veux, donc là Julien enlève sa petite serviette et il passe à 20-30 cm du. Non je l'ai pas enlevé parce que justement on était dans le mode balèque où on les avait pas mis, donc je me dis je vais pas remettre la. Oui, on rentre à poil quoi. Bref, la bite de Julien devant la tête d'un gars, c'est ça qui fait. C'est vraiment ça qui fait. Proche parce que vraiment. Proche parce que et là il s'enfonce dans l'eau, tout va bien, on fait bon de toute façon. Et là le gars en face fait excusez-moi. Non c'est après, attends. Oui il se lève. On passe un moment sublime pendant 10 minutes à se dire c'est incroyable ce qu'on vit. Et là le gars avant de partir dit excusez-moi vous êtes Julien Jostelin. Et j'ai repensé au moment où il a eu la bite en face de lui, mais vraiment. Mais vraiment quand je dis 20, ouais, 30 cm quoi. C'était. Ouais. Et on était vraiment paumés en plein quand milieu tu dis 30 du Japon. Tu es dans la distance. Ouais. Je me demande si c'est pas moins, pardon, mais je veux pas rentrer dans ce niveau de détail, mais c'était très proche. Bon, ça a frôlé, il y a eu contact. Il y a eu contact. On s'est fait un bisou d'esquimo. Cette image. Et donc le fou rire de se dire, mais bah oui. En plein milieu du Japon, on était vraiment dans la campagne, dans ce truc un peu perdu et tout. On tombe sur un français, et vraiment, bah et ouais, le il français tout, poli quoi. En plus. Ah oui, qui a dit. Ouais, sur 4 mais en fait, je pense que lui, non, il s'est super dit. Sympa. Je vais pas lui si dire. Tu écoutes, écoute, au cas où. Super sympa. Sympa. Mais super je pense sympa. Vraiment, il s'est pas dit. Il s'est dit, je vais pas lui dire là, parce qu'il a sa top devant moi. Je vais attendre un peu, et après, il se dit, je peux pas partir sans lui dire. C'est vrai que c'est touchant, ça veut dire quand même, il s'est dit, il faut vraiment que je lui dise, alors qu'il devait être conscient du bail et qu'il s'était passé quand même. Mais ça, c'est fou, t'as quand même besoin de le dire, quoi. T'as un truc, c'est quand même fou, j'ai peut-être sûrement jamais le recroiser. Ça me rappelle, très rapide, mais juste, si ça peut devenir une expression, on essaie de la partager avec Valentin. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a remercié pour nos concerts, qui nous a dit c'était boule de feu. J'ai trouvé ça incroyable. Et encore aujourd'hui, je sais pas si j'ai mal compris. Si vous dire c'était le feu, mais vraiment, j'ai compris, c'était boule de feu. Et je trouve ça incroyable. Adrien a déjà lancé ça envoie du sax. Bien sûr. Donc, c'est des boules de feu. Ouais, c'est ça, ça a pris déjà. On lance des expressions. C'est ici, un peu en concurrence. Ça envoie du sax. Non, mais tu vois, c'est un concert de métal. Oui, mais relancez à skip et faites votre propre. Non, nous on a déjà ça envoie du sax. On peut pas se permettre de. Toi, Camille, est-ce que t'as des souvenirs de soirées qui sont un peu parties en vrille? Alors, peut-être pas des bastons et peut-être pas des tubs devant des fans, mais est-ce qu'il y a eu des moments où t'as assisté à des trucs? Attends, laisse-moi réfléchir parce que comme j'ai grandi à Marseille, oui, probablement. Non, ça n'a rien à voir, mais je me rappelle d'un soir où je rentrais de boîte à Marseille et j'ai cru que j'allais vraiment me faire kidnapper. Ah ouais? C'est vraiment autre chose. Mais ouais, non, ouais. C'est un souvenir, disons. En c'est tout un cas, souvenir, oui, oui. C'était, ouais, écoute. Mais parce que mec flippant ou quand même il y a eu échange et bah, tout? En fait, je sors de boîte avec une copine, il est 5h du mat dans les rues désertes de Marseille. On marche toutes les deux dans la rue et en plus on n'était même pas dans le centre de Marseille quoi. Tu sais, c'était un peu excentré donc vraiment c'est désert. Faut savoir que Marseille c'est pas Paris. Tu vois, Paris tu peux marcher à 5h du mat. Bon, c'est pas mon loisir préféré. Il y a Jacques Dutronc qui écrit des paroles, mais c'est tout ce que tu peux trouver quoi. C'est ça. Et vraiment, on marche avec ma pote, on a genre 16-17 ans, quoi. Ah oui, d'accord, flippant, hein, de ouf. Ah ouais. Mais vous aviez peur à ce moment-là déjà ou... Bah, moi, j'étais pas méga sécure, quoi. Ouais, okay. Je me disais, je resterai pas 3h12 dans cette situation. On va pas prendre le petit-déj là. Non. Ouais, on va avancer. Ouais. Et là, bah, donc, dans ce désert le plus total, débarque une voiture. Et tu sais, on entend le moteur vraiment qui arrive, ça fait. Et ça ralentit à notre niveau. Et là, je me dis, ok, on est deux petites meufs mineures, ouais. Pas très robustes. Ouais. Et le gars s'arrête et puis il commence à nous tchatcher, quoi. Oh, putain. Et il nous propose de monter. Et on dit non. Et il insiste un peu une fois, deux fois. Et à un moment donné, en fait, on arrivait à une intersection. Et je me suis dit, en fait, là, ce qui va se passer, vu qu'on refuse de monter, c'est qu'il va nous couper la route. Ah ouais. Il va ouvrir la porte et il va machin. Bon, l'avantage c'est qu'il était seul, donc, et nous on était deux, donc ouais. Je sais pas, je me suis fait mille scénarios sur cette soirée. Pousser ta pote et partir, quoi. tu spoil. Et elle s'appelait Valentine. Voilà. Non, et non, voilà. Puis finalement, le gars n'a pas insisté. Ouais, il a pas trop, je sais pas vraiment en fait ce qu'il aurait pu faire, mais moi dans ma tête, il s'est passé vraiment ce scénario où je me suis dit, voilà, je vais être portée disparue dans 5 minutes. Ouais, c'est terrible. Ça me rappelle, moi, quand. Alors, c'est une anecdote de braquage liée au film Fatal Bazooka. Donc, voilà, je vous mets un peu le truc. Ah. J'étais allé voir Fatal Bazooka, le film, avec des potes. Très bon film, d'ailleurs, je vous le dis, regardez. Le film Fatal. Fatal. On sort du ciné, et je me souviens, c'était en juin. Et c'était début juillet, donc vacances d'été, sympa et tout. On traîne, et en Bourgogne, à Autun, on se fait chier. Donc, tu peux vraiment rester dans le centre-ville. Y a personne, mais t'es tranquille, parce que pour le coup, nous, c'est une petite ville de province. Donc, il y a vraiment. Personne, c'est plutôt les gens qui ont peur de nous s'ils nous croisent, quoi, parce qu'il y a 5 jeunes qui font rien sous un kiosque, tu vois. Et un pote à moi me rend une batte de baseball que je lui avais prêtée pour tourner un clip, tu vois. Donc vraiment, on est dans un truc un peu chelou, mais il me rend une batte et on voit une voiture passer. Et mon pote, pour faire une vanne, je sais pas quoi, il met la batte sur sa teub. Et il fait semblant de se branler, tu vois. Très bien. Voilà. C'était, voilà, après, j'avais déjà un petit humour un peu fin à l'époque avec mes amis, voilà. Et le mec va vers nous. Ah, mais je crois que tu... Et là, je fais, oula, bah du coup, c'est moins marrant, là, d'un coup, parce que le gars vient. Ouais. Donc, c'est pas ouf. Et c'est un peu comme quand t'engueules une voiture et que tu veux la voiture freine, tu dis, ah, ça y est, prend un virage que je déteste. Ouais. Et donc, le mec arrive et il dit, mais ça, c'est pour taper, ça. Donc nous on comprend pas, on fait non mais c'est pour parce qu'on a fait un clip et tout machin. Ah c'est pour taper. Il fait ça c'est mieux pour taper et il sort un flingue. Ah oui. Il sort un gun. Alors, en plus, non, c'est moins bien, c'est pour, moins taper. Bien pour taper. Ouais. Pour tuer vraiment. Pour assassiner des gosses c'est beaucoup plus sympa. Et il sort le flingue et il tire en l'air. Et alors et pareil un peu comme au jour comme et c'était toi. Alec Baldwin ce con. Ouais. Oui. Il tire en l'air. Il a tué un grutier. Et encore aujourd'hui, j'ai pareil ce truc de. En fait, il y avait beaucoup d'étincelles. J'y connais rien en gun et je sais pas si beaucoup d'étincelles c'est un vrai ou un faux. En fait, c'est ça ce truc. J'ai eu la même chose en sorte. Pareil en Bretagne, à la sortie d'un bar quand j'étais ado, quoi. Ouais. Et un mec, pareil, qui sort sur le parking un peu en trombe. Il manque un peu moitié de nous écraser, donc on s'écarte. Il y a un petit truc. Il sort en ce moment. Il a sorti pareil un flingue. Il a tiré en l'air. Et on s'est dit, et il est parti, et on s'est dit, c'est pas possible qu'il est sorti là. En plus, c'était dans la ville, donc on s'est dit, c'était une connerie. Mais je reste pas, il y a quand même de toute façon, vous m'avez déjà catégorisé extrême droite, tout ça, j'ai bien senti. Donc je vais faire l'expert en arme. J'ai aucun problème. Surtout que nous, on sort lundi, hein, donc ça se trouve, tout le podcast a une couleur un peu étrange. Après le deuxième tour. Oui. Et bah non, mais je vais. Non, en vrai, non, mais parce que j'ai déjà tiré avec une balle à blanc. D'accord. J'ai l'impression, le même rendu, c'est pour ça qu'on utilise une balle à blanc. Après, je sais pas ce que tu peux utiliser d'autre, mais entre une. Je pense une balle normale et une balle à blanc. L'effet même, la muzzle flash, comme on appelle ça en effet. Ouais, mais moi je me dis, est-ce que c'est pas un flingue, pas d'alarme, mais tu sais, ça a des noms, des espèces de trucs de dissuasion, j'en sais rien, tu vois. Ouais, peut-être. Bon, bref, il tire en l'air, il y a les étincelles, je me souviendrai toujours des étincelles, et là il nous braque. Il lance le feu d'artifice. En fait, c'était le 14 juillet. Non, mais attends, mais là t'es en train de nous parler de la peur de ta vie. Ouais, mais non, c'était un peu fou. C'était vénère aussi, toi. T'as vu la mort. J'ai plus ou moins vu la mort, c'est vrai. Non, mais donc il tire en l'air, et là il nous vise. Ah oui. Et je m'en souviens, enfin. On est trois et en gros, j'ai mon pote Vincent et ma pote. C'était un nerf, vous voyez bien qu'il exagère. Le mec a senti un nerf, il a tiré un truc. Il faisait un truc de paintball, tout ça. Tu vas le dire, c'était une OP. Quel débunker. Et donc, il y a mon pote Vincent, mon pote Samuel, et mon pote Samuel est le seul, et ça me marque de ouf, qui a eu le réflexe de se cacher. C'est-à-dire que moi avec Vincent, on est vraiment resté comme ça. Et mon pote Samuel se cache derrière, parce qu'on est sur le, vers le kiosque, donc il y a un parking devant. Il se cache derrière une bagnole. Est-ce que quelqu'un a dit, he got a gun? Comme dans le GTA. He got a gun! Et là, et le gars est parti en trombe. Et il nous a rien fait, tu vois. Et il est parti en trombe avec la bagnole et tout. Donc encore loin, c'est pas si juste c'est si vous voulez. Même gars. Si, oui, qui va de ville en ville. Oui, qui va de ville en ville et qui fait juste peur à des gosses. Et donc encore aujourd'hui, je sais pas si c'était un faux flingue juste pour nous calmer parce qu'on avait une balle de baseball. Moi je pense que t'es mort, Flaubert, et t'imagines tout le reste de ta vie maintenant. Je pense que je vois pas comment vous t'as pu sortir de cette situation. Donc pardon, mais tu. Non, et après, ouais. Vous êtes rentré chez vous? Ouais. Ah oui, ouais, fin de soirée là. En débriefant beaucoup de. Eh les gars, on a failli mourir quand même. Les gars. C'est ouais, juste un keuf qui faisait du zèle en fait. Non, mais par contre, le plus fou, c'est qu'il y avait sa meuf côté passager. Ce qui fait que quand il a tiré. Enfin, en gros, il était comme ça, et après, quand il nous a braqué, le flingue est passé devant sa meuf. Enfin, il y avait une espèce d'image trop bizarre. Ah ouais. Quand il nous a braqué, il aurait tiré de l'intérieur de l'habitacle. Donc, c'est. On s'est refait le film mille fois où on s'est dit, c'est sûrement un faux gun, c'est pas possible. Il aurait pas tiré. Il avait pas l'intention de tirer de toute façon. Ça, c'est sûr. De toute façon. Mais un accident est si vite arrivé. De toute façon, vrai ou faux gun, enfin, je veux dire, balle à blanc ou pas, tu tires dans le visage de quelqu'un, c'est. C'est ça. Tu vises pas des journalistes non plus. Évitons. J'ai oublié ça. Oui. Un sniper directement. Faites toujours, et ensuite on passera aux questions des auditeurs. Un Américain a réclamé une compensation de $450,000 pour son anniversaire. À votre avis, pourquoi? Parce que son pénis a été retiré. Non, non, il n'y a pas de pénis. Ah, okay. Bah, il a eu un cadeau nul. On lui avait volé 450 000 balles. Voilà. Donc il demande. Non, non, c'est pas une cagnotte litchi de 450 000 euros. Hein. Non, non. Putain, litchi, ils prennent 10% sur la cagnotte. Excusez-moi. Ah ouais? Ah ouais? Il faut que je prenne. Bah, faut bien qu'ils se financent d'une manière ou d'une autre, mais 10%. Bah, pour moi, ils se finançaient du fait que tu prends pas tout de suite l'argent, tu vois. Et en gros, là, pour mon anniversaire, je voulais encaisser le chécos. Et 10%. En fait, c'est des bâtards parce que soit tu payes des trucs sur leur site partenaire. Et donc du coup ils prennent pas 10%. Genre si tu achètes un truc sur la Fnac, sur je sais pas leur en gros leur site partenaire quoi. Ah, mais si tu veux garder les sous pour toi, ils prennent 10%. Mais pas con. Ouais, hein. Pas con. C'est leur anniversaire tous les jours quoi. Ouais, c'est ça, pas mal litchi. Donc non, là un Américain il a eu une compensation de 450 000 dollars. Il a pas eu un cadeau, c'est vraiment une compensation qu'il a eu pour une tuilasse qui lui est arrivée. Pas une tuilasse. Ah non, une tuilacito. Non, pas du tout. Alors attends, et c'est un rapport avec son anniversaire du coup? Ah, c'est parfaitement lié à son anniversaire. Pareil, c'est un problème de nom. On lui envoie. C'était pas pour lui et c'est un homonyme. Non. je vous ai calmé là. Je le sens. Donc c'est une erreur. Est-ce que c'est une erreur? C'est pas une erreur. C'est un truc médical. Genre, il était allergique à son gâteau d'anniversaire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas une tuile. C'est pas lié à une tuile. Tu dis. Donc, non, c'est pas lié à une tuile. Donc, c'est attends, pas, il a ça, une, compensation pour un truc qui est positif. Quoi. Il a gagné au loto. Ils ont dit, attendez, vous avez gagné au loto. On va quand même vous compenser. Pour... Non. N'importe quoi. Il a remis sa casquette de debunker. Non, en gros, il a... Ça partait d'un très bon sentiment et le truc a un peu merdé, en gros. Donc c'est une tuile finalement. Quelque part une petite tuile. Mais si je vous disais ça, vous cherchiez un truc négatif. Alors que c'est pas un truc négatif. Ah oui, qu'il a pas perdu quelqu'un de sa famille. Dans, non. Ils ont fait une fête, je sais pas où, et quelqu'un est mort. Non, mais t'es pas, tu t'approches. Ils ont fait une fête, je sais pas où. Non, c'est très flou. C'est quand même très flou quand même. Non, c'est pas ça. Mais il y a eu un accident. Ils sont fait du trampoline. Il s'est fait mal à la jambe. Non. Il y a des dégâts chez lui, quoi. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui lui est arrivé lui. Par rapport à ce qu'il est dans la vie. Pas son intégrité physique. Non. Si, complètement son intégrité. Ah, d'accord. Il peut plus faire son métier. Alors non, il a pas été blessé. Mais ses cheveux, ils lui ont rasé la tête. Non. Je sais pas, moi. Pour pas que ça serre trop autour du crâne. Comme un, est-ce que c'est quelque chose que des proches à lui ont fait? Il y a c'est en groupe. Est-ce qu'ils lui ont fait un anniversaire surprise? Il a fait un infarctus. Très bonne réponse. Oh, incroyable. Pas un infarctus, mais il a fait une crise de panique. Ah bah, très mauvaise réponse. À cause d'une fête d'anniversaire organisée contre sa volonté. Bah sinon, Kevin Berling, qui dit souffrir d'anxiété, avait prévenu sa supérieure. Je ne veux pas célébrer mon anniversaire. Qui lui rappelle de mauvais souvenirs liés au divorce de ses parents, parce qu'il est très anxieux comme monsieur. Le 7 août 2019, au moment de la pause lunch, monsieur Berling s'était vu souhaiter bon anniversaire par son collègue et avait découvert une banderole déployée pour l'occasion dans la salle de repos de l'entreprise. Il s'était alors rendu dans sa voiture dans laquelle il affirme avoir eu une crise de panique. Le lendemain, lors d'une réunion en petit comité, Mr. Berling s'était emporté, serrant les poings et les dents, le visage rouge et en tremblant, demandant à sa chef de se taire, a décrit John Malley, avocat de l'entreprise. Parce que vous allez voir, en fait, ça part complètement en couille cette histoire. Ouais, bon, il s'est fait de l'oseille sur pas grand chose. Supérieur et l'autre employé présent, 100 000, c'est on bien. Craint pour leur sécurité, tellement il était en colère. Ah oui. Ce qui a poussé l'entreprise à licencier Kevin Berling. Ah. Et en gros, c'est oui, ça. Mais en fait, c'est quand même. Ah. Oui. Et lui, licenciement. Il s'est fait virer. Lui, il dit mais oui, mais bon, vous m'avez fêté mon anniversaire, alors je déteste ça. C'est ce qui fait qu'il a pu. Il a réussi à gagner, c'est quand même. Bah, Mr. Burling avait attaqué Gravity Gymnastics en justice pour discrimination en raison d'un handicap. Quelque part, parce qu'il s'est fait virer. Après, c'est vrai qu'il l'avait dit. Après, non, il avait dit qu'il ne le voulait pas. Non, ah, je... 450 000 euros parce que t'as un bon avocat, surtout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est, ouais, c'est ça. 150 000 euros pour la perte de revenus et 300 000 euros. Dollars, hein, pardon. Oui, pas du tout dollars, 50 000, c'est les States. Et 300 000 dollars pour l'humiliation, la perte d'estime de soi et la souffrance engendrée. Pour 450 000 dollars, tu peux faire une belle teuf juste pour te foutre. Mais toi, tu dis non parce que toi, t'adores ton anniversaire. On t'offre des tortues ninja. C'est vrai. Toi, il est super ton ami. Non, non, mais non, quand même. Faut, non. Pourtant, c'est des, l'anxiété, je trouve, quand même des thèmes auxquels je suis sensibilisé. Oui, voilà. Là, non. Mon là, pote. Il en fait des caisses, là, tu non, mais tu te meurs, non. Mais vous aimez, faites surtout votre que le lendemain. On n'était pas là. Le truc, pas là. La réunion, c'était le lendemain. C'est oui, c'est le lendemain. Donc ça veut dire que t'as eu le temps de te calmer. Donc c'est juste que t'es un connard qui a. Oh là, oh là, oh là, oh là, les termes. Mais non, mais. Non, mais attendez. Sur le moment, tu fais une crise d'angoisse. Le lendemain, tu vas à une réunion et tu tapes des poings sur la table et tout. Bah, là, ça a rien à voir. C'est juste que t'es. T'es... C'est toi le fautif, quoi. Les procès ont été filmés ou pas? J'aimerais bien qu'on voit le procès filmé. Il y a des chances en plus, hein. Il y a des chances. Vous aimez fêter votre anniversaire, Camille? Toi, c'est un truc de. Pas méga fan, non. Ouais. Est-ce que c'est un truc par rapport au fait de vieillir, tout simplement, ou juste le concept de fête? Non, et ça n'a aucun rapport avec le fait que je sois née un jour d'attentat, puisque le 11 septembre. Ah, sympa déjà. Sympa. Sympa. Non, je sais pas, ça m'en toujours un peu mélancolique. J'aurais pu choisir une autre date quand même. Hein. Ouais. En fait, je trouve que c'est toujours déceptif, quelque part. Tu... Ah oui? Bah oui, je trouve, je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'attentes autour d'un non-événement, en fait. Bah peut-être qu'on en attend trop, c'est ça le problème. Et ce serait pas le monde qui est comme ça. Et tu retiens toujours les gens qui te l'ont pas souhaité. Enfin, alors, ça, j'allais le dire. Moi, c'est un truc, ça me crée des problèmes. Parce que moi, je m'en fous des dates. Ouais. Mais vraiment, premier dog. Bah, la preuve, tu peux... vas pas à des tournages. Donc. Mais tu m'avais pas raconté cette anecdote sur un autre truc où t'avais oublié un tournage. Je sais pas si je peux te raconter ça. J'en sais rien. Il est grillé auprès de toutes les chaînes. Ouais, non, tu peux. Je pense que tu peux si tu bipes le, oui, je bipe, le je programme je en question. Mais bipe, c'est un grand programme très connu, effectivement. Mais j'étais en montage des Dissociés. Je faisais des Nuits Blanches. Et en fait, j'avais un rôle récurrent dans un programme connu. Ouais. Et que je n'hésite pas. C'est clairement la. Bah, tu vois, on a fait le pire. Je t'ai raconté le pire truc que j'ai fait de ma carrière. Là, c'est le pire move. Vraiment, ton agent, il t'engueule, quoi. Ouais. Et effectivement, je ne me suis pas réveillé. Alors que j'avais parce un que tu tournage ouf sur les parce que sur j'ai les fait une nuit blanche ouais. La première nuit blanche en fait j'avais un rôle récurrent donc je revenais genre en tournage toutes les semaines ou deux semaines ouais. Tu vois sur ce programme là et la première semaine c'était ric-rac déjà parce que j'étais aussi déjà en nuit de montage j'avais récupéré après Raphaël Descrac la suite du montage parce que lui était épuisé j'avais repris le montage des Dissociés pour le finir la deuxième moitié du montage et je fais une nuit blanche totale je crois que je dors genre 15 minutes et je vais en tournage et je découvre ce que c'est que de tourner quand bien même les conditions en vrai étaient assez confort pour tourner parce que c'était une grosse production mais je découvre ce que c'est de tourner la gueule éclatée quoi vraiment ouais. Quand t'es pas après la BBC je veux dire oui, bien sûr, encore bien moins sûr. Que la BBC ouais. Tu m'étonnes ou pardon mais non non et du coup j'étais vraiment incapable et j'ai découvert ce truc de tu vois il me donne le réal il me dit alors on va faire ça tu pars de là tu fais ça je fais la prise et rien il me dit alors on va plutôt faire ce que je t'ai dit juste avant finalement ouais il y a rien qui rentrait quoi j'ai réussi quand même en vrai ça va les épisodes sont ok et tout mais je sentais que je me suis dit putain je me suis dit faut que je fasse gaffe et en même temps on était dans des deadlines j'étais obligé de faire ça pour les Dissociés et tout et les Dissociés si vous avez vu le making of et tout vous faisiez tout à 5 personnes enfin 6 ou 6 personnes c'était Koh-Lanta pour c'est faire ça. Un film quoi et du coup de toute façon on avait une deadline on était obligé et c'était notre projet de cœur donc ça passait évidemment avant ce que tout, je veux quoi. Dire c'est que si vous faisiez que ça déjà c'était fou donc se rajouter des trucs c'est complètement c'est dingue. Ça ouais. Non mais en vrai j'étais content de faire ce rôle récurrent je l'avais déjà accepté donc j'étais un peu coincé tu vois et du coup il y a une autre nuit où je finis je me dis ah je vais quand même dormir 20 minutes parce que j'avais genre fait deux nuits blanches d'affilée enfin j'avais vraiment abusé quoi je me dis ah je dors quand même 20 minutes évidemment j'oublie je sais plus si j'oublie de mettre le réveil ou si je me réveille pas je fais une énorme nuit de 8 heures ou un truc comme ça vraiment parce que j'étais éclaté et puis je me réveille le téléphone il était blindax d'appels quoi quand tu me l'avais déjà raconté le réveil ça me glace le sang réveiller et de voir 200 textos 18 appels c'était Nawa quel est le message de la jambe de que je t'ai fait t'as déconné ils t'ont tous attendu enfin donc ouais Ouais. Le bon réveil là. Bon réveil. Petit réveil sympa. Et bizarrement, je n'ai plus tourné dans cette série. Et est-ce que c'est toujours ton agent? Rappeler. Non, ouais, mais c'est pas pour cette raison là. On est resté ensemble. On a changé après parce qu'elle a arrêté d'être agent. Ouais, c'est ça. Des auditeurs ont posé des questions, donc je vais d'abord poser les thèmes, comme ça tu pourras y aller ensuite parce que je veux vraiment pas te mettre en retard à ton spectacle. Enfin, pas ton spectacle, tu joues. Là, c'est je fais un plateau, je fais deux plateaux. Plateau. Très bien. Alors, deux plateaux. Camille, un plateau de fromage à l'élection. Un plateau de fromage à pâte molle. Camille, quelqu'un qui a vu ton spectacle, qui l'a adoré déjà, qui tenait à te le dire, et qui t'a vu à la petite loge et qui voulait savoir comment, quand on est humoriste, on peut gérer. Parce que pour expliquer aux gens, la petite loge, comme son nom l'indique, c'est une petite salle de théâtre. C'est une loge. Non, mais c'est ça, c'est combien de mètres carrés? C'est tout petit. Attends, historiquement, c'est vraiment une loge? Non, c'est une place de parking. Mais non, ça fait franchement, je pense, moins de 20 mètres carrés. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je voulais savoir comment, en tant qu'humoriste, l'auditeur demandait comment tu gères, en fait, le public. Est-ce qu'il y a une façon différente? Est-ce que tu es obligé de l'incorporer plus, etc., etc.? Le Xanax, non. en fait, c'est un super training, quoi. Parfois, t'es un peu en souffrance. Tu te dis, je manque un peu de confort là, je manque un peu de place, je manque un peu de distance avec les gens. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment très, très près. Ils peuvent entendre les battements de ton cœur. Hein, ouais, d'accord. Donc, c'est un peu perturbant, mais bon, en même temps, tu dis que si tu survis à ça, en général. Et c'est vrai? Est-ce que quand tu survis à ça, t'es plus à l'aise après? Hier soir, j'ai joué ma première au point virgule, par exemple, et c'est vrai que d'un coup, je me suis dit, ah d'accord, mais en fait, ça donne ça quand il y a de l'espace. Beaucoup de rire. Ouais, voilà. Mais ceci dit, la petite loge, vraiment, moi, j'adore cette salle. Les meufs qui tiennent le lieu sont chambées, et j'ai adoré jouer là-bas, hein, finalement. Ouais. Et puis, en fait, je sais pas, au bout d'un moment, en fait, on est dans un petit cocon trop agréable, et la salle est vraiment agréable. Bah, trop cool. Est-ce que quelqu'un qui demande, donc pareil, quelqu'un qui a vu ton spectacle, la petite loge, on a plein de gens, et qui dit j'ai vu que tu avais joué dans des films, est-ce que tu serais intéressé d'écrire ou de réaliser des films de fiction? Parce que c'est vrai qu'en plus, toi, c'est du stand-up, mais tu incarnes aussi des personnages. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu faisais à l'info du vrai, c'est ce que tu as tendance. Même j'ai vu des vidéos Instagram, enfin, tu fais aussi du jeu d'actrice. Ouais, j'aime bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire sur un format plus long, de la série, des films? Je me suis essayée à la réalisation, et c'est sûr, c'est un truc dans lequel je suis nulle. Ah, ok. dans quel contexte tu t'es essayé à ça? Festival Nikon, tu sais, je connais. Ah, tu étais quelque chose? C'est les titres, je suis ça a changé, ça, je crois. J'ai pas la vision, enfin, ouais. Donc pas dans la réalisation, mais dans l'écriture, c'est surtout écriture interprétation, moi, qui m'intéresse. Oui, tu veux jouer ce que t'écris, le jeu, en fait. D'abord, oui, d'accord. Ouais, et puis même, pourquoi pas écrire avec des gens, pour des gens, mais dans l'ordre, je préfère d'abord jouer, ensuite écrire. Et ensuite cuisiner, mais ça n'a aucun rapport. mais c'est mentionné. Au moins, c'est mentionné. Écoute, en tout cas, si tu dois y aller, tu peux y aller, Camille. Voilà, je te le dis. Je veux pas te mettre en retard. Mais non, t'inquiète, c'est pas du tout. Pas du tout. C'est déjà arrivé plein de fois parce que c'est nous qui gérons mal les timings. Mais ça fait un peu, j'ai une vie. Mais pas et nous non, c'est ça que j'essaye de dire. Parce qu'effectivement, c'est le cas. C'est évidemment le cas. Je vais quand même rappeler que tu joues effectivement au point virgule. Oui, tout à fait. Alors, c'est tous les vendredis. Je savais même pas que c'était ta première hier. Ouais, trop bien. La première hier soir. Et ça va, contente, cool. J'ai hâte de rejouer vendredi prochain. Trop bien. Et tu joues là pendant combien de temps à Paris? Pour l'instant, jusqu'à fin juin. Oh, trop cool. Bah voilà. Ouais. Donc vous pouvez aller voir au point virgule, qui est une super salle en plus, qui est trop cool, qui est dans le Marais. Si vous êtes à Paris, et puis voilà. Très cool. Bah merci. Bah merci d'être venu, Camille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bien rigolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Valentin et Julien. Bah tiens. Oui. Alors, en plus, les deux comparses. Vous êtes quand même là aussi parce que vous avez fait quelque chose d'assez chouette. Vous avez écrit une bande dessinée. Ouais. C'est vrai. Il y a très longtemps. Alors c'est fou. Alors d'ailleurs, les gens ont des questions autour de cette bande dessinée, parce que la question la plus basique, mais ça fait quoi d'avoir sa propre BD, d'être allé au bout de ce projet? Vous pouvez en parler, tous les trois. C'est vrai, mais même toi, t'as participé, t'as écrit Axolotl. C'est pas ma propre BD. Non, mais t'as dessiné des BD. Mais d'ailleurs, Adrien est dans les bonus de Trousse Boy. Écoute, il a fait le casting refoulé. Ah, il y a des bonus et tout. Il y a une petite page bonus avec des copains. Il a fait un petit crobar. Il nous a régalé. Il y a lui et Plantu. C'est les deux qui ont fait un petit crobar à la fin. Il a fait Chouriman. Chouriman, c'est Macron. Oh. Ça va, monsieur Plantu? Oh. La souris, elle mange la République. Je suis Plantu. Alors, je le vois déjà en animation, ça va être beau. Je me mets un coup de peine, je suis Plantu. Je crois que j'ai jamais vu à quoi il ressemble. Elle ronge, ça me ronge comme une souris, le fromage. Je reviens à l'animation de pardon, comment il s'appelle Kicksama, parce que c'est brillant. K-I-C-K-S-A-M-A sur Insta. Eh ben K-I-C-M-A-S-A-M-A, bravo. Pas du tout répété de la bonne manière. Non mais tu, ce qui m'a fait beaucoup rire, je reviens très rapidement dessus, mais c'est que la manière dont il t'a dessiné, Flaubert, oui. Ouais. Avec la petite goutte et toi qui oui. es mort de rire, oui. C'était vraiment toi mais, dans la vie. Mais putain, oui, exactement. Ça, la c'est la fou, représentation de Flo qui rit, je me suis dit. C'est ça. Quand t'entends le rire de Flo, je pense que c'est. Mais c'est fou. Non, mais c'est parce que je suis autour de la table. C'est un podcast complètement. Donc c'est non, mais j'ai trouvé que oui, c'était une belle, une très très fidèle retranscription de l'ambiance. Et en plus avec vraiment des idées. Des idées de gags et d'animation. Moi, c'est ça quand. Et maintenant, la pipe, par exemple, quand. Quand j'ai la pipe et puis quand à un moment quand il y a Mitterrand qui fait et quand il se met vraiment à hurler, son visage devient plus réaliste. Je trouve ça l'idée géniale. Du coup, de savoir que tous les Flocasts vont en intégralité faire en animation comme ça, ça fait plaisir. Netflix, Amazon, on a l'animateur hein, si vous voulez, à Casse Plus. Hein. Alors, non. Oh non, lolo. Ça fera beaucoup de travail. Donc oui, bande dessinée Truth Boy, c'est un projet que vous avez depuis longtemps. Est-ce que déjà on peut raconter vite fait, Truth Boy, c'est quand même un gag d'une vidéo à la base. Ouais, c'est fou. Tu veux raconter Valentin ou... Si tu veux, allez, je te passerai le bâton de la parole à maman quand j'en ai marre. On est rodé. Truth Boy, ça, c'était une idée d'un, c'est tiré d'un sketch qu'on avait écrit pour un Jules Fou qu'on écrivait à l'époque tous les deux. En 2013, qui était un Jules Fou sur les super-héros et qui était destiné à la base aux Zapping Amazing 2. Mais bien sûr, je me souviens, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi. J'ai vu au Truth Boy au Cinoche. J'ai vu la première apparition de Truth Boy. Oui, c'est ça. Premier personnage qui commence au Cinoche et qui termine. Et non, c'était vraiment tiré d'une blague où on imaginait les différents super-héros. À l'époque, il y avait Ant-Man qui avait été annoncé au cinéma justement. On se disait putain, c'est super-héros fourmi. Ce qui aujourd'hui paraît complètement basique parce qu'il y a des multivers et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait quoi, mais qu'est-ce que tu racontes avec un super-héros fourmi? Et donc on s'était dit pourquoi pas des objets après, pourquoi pas une trousse quoi, un super héros trousse. Ouais. Et donc on avait fait une petite vanne, une petite vidéo là-dessus. T'es amusé à prendre au sérieux le super héros en disant si on fait une bande annonce un peu sérieuse comme si c'était un vrai film qui existait. Ouais. Et les gens m'en avaient beaucoup reparlé effectivement. Et le problème en fait, c'est que le problème et en même temps le génie, le truc incroyable qui nous est arrivé, c'est qu'on en a beaucoup repensé. On y a beaucoup repensé à ce truc-là. Les gens nous ont reparlé. On se disait c'est vrai que Truth Boy c'est quand même marrant et tout. Et surtout le vrai switch pour nous, ça a été de quand on a commencé à se dire mais en fait il y a un univers en fait. On s'est dit si la trousse est magique et que tous les crayons dedans sont magiques, qu'on s'arrête pas à la trousse, il faut refermer la trousse pour que tous les maléfices s'annulent. Le méchant, ça peut être l'effaceur, et il efface les élèves. Ouais. Et tu vois, il y a tout plein de personnages qui d'un coup sont sortis. Et là, on a commencé à rigoler en même temps, on a commencé à prendre le truc vraiment au sérieux et à se dire mais attends, il y a un vrai univers qui peut être vraiment sympa. Ça peut se passer dans un collège, ça peut être dans cette veine un peu shonen qu'on aime bien, manga et tout. Ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc justement avec des collégiens. En fait, c'était aussi l'occasion de parler de nos années collège. Ouais. Et on a mélangé cette époque-là. Et donc on a mélangé ces deux idées de le truc de super-héros shonen un peu qui nous fait kiffer et les années. Nos années collège et surtout en vrai, mais c'est presque le processus en fait qui nous a amené à faire la BD est presque la même chose que le ton en fait pour moi de la BD, à savoir une blague que tu prends au sérieux en fait, quoi. C'est vraiment ça. C'est que Truth Boy à la BD, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, ça reste quand même une BD avec de l'humour, on a mis des blagues, nous on vient de la comédie donc on a mis de l'humour, mais on a tenu quand même à prendre l'idée au sérieux. On voulait pas faire une parodie, tu vois, de parce qu'il y en a eu plein déjà, on n'est pas les premiers à faire des super-héros, hein. Tu vois, voilà, même à la con il y en a eu plein d'autres avant nous, mais souvent on a remarqué en tout cas que c'était souvent des parodies, des spoofs, quoi, on va parodier le truc et on s'est dit on va essayer d'aller au-delà de ça, de faire un vrai univers qu'on prend au sérieux, des moments qui sont vraiment tristes avec donc l'effaceur, mine de rien, l'efface des élèves c'est quand même grave, quoi, tu vois, il faut l'arrêter. Et donc voilà, on a essayé, en tout cas on a trouvé ça cool à explorer, se dire ok, on assume quand même notre univers comme un truc assez badant par moment. Et sinon on rigole quand même de temps en temps, mais on est très content et c'est fou. Ça a pris des années à faire, mais c'est ça vous enfin. Êtes passé par plein des changements, mais qui sont en fait la vie de plein de bandes dessinées, hein, d'ailleurs, c'est truc. C'est ça, on l'a pas mis 10 ans à l'écrire parce que les gens vont s'attendre à putain, c'est incroyable. Ils ont fait Star Wars, on n'est pas Tolkien. Non, en vrai c'est écrit depuis assez longtemps parce qu'une fois qu'on a eu l'idée, justement ça nous a vachement inspiré, donc on l'a écrit assez vite. Et après ça a été des trucs. D'ailleurs je précise, l'idée date pas de 2013, on a commencé à écrire en 2016. C'est ça. Quand on s'est dit tiens, on peut en faire une BD, c'était en 2016. Ouais. Et après, après c'était des trucs de disponibilité de dessinateurs parce que c'est très long aussi à dessiner. Ou Grelin. Du casting de dessinateurs. Je sais pas pour vous, mais c'est aussi choses où tu rencontres des dessinateurs, des trucs, Et ce qui a fait que ça a traîné. Même aussi le Covid a mis, nous a mis en retard sur certains trucs. Ouais, et tout, bien sûr. Et donc ça sort enfin le. 27 avril, c'est cette semaine. Mercredi, c'est cette semaine. Pas, c'est écouté, non, c'est pas sorti, ça sort. Enfin, si vous, l'écoutez le jour même, non. Mais okay. Ça sort mercredi, ce jour, cette semaine. Okay, donc, mais voilà. Non, là, on est trop content, trop fier que cette blague soit arrivée enfin à son terme et que les gens puissent nous faire des retours. Et la BD, c'est incroyable. Et moi, je suis en train de signer une autre BD là, j'enchaîne. Trop bien. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'en fait, nous. Qui sortira dans 13 ans, du coup. Oui, du coup. Je sais pas si vous avez eu ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai fait Oli et l'Alien. C'était. On vient de sketchs d'internet, des sketchs de YouTube avec pas de pognon, avec on joue tous les rôles, donc forcément les. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Ouais. Est-ce que vous avez eu aussi cette petite gourmandise de. Oh, on peut tout faire. Ouais. Tu vois, parce que j'étais plantu moi aussi à l'époque. Oh là. Et, non mais tu vois, moi. Bah, Grelin, notre dessinateur, pourra te parler de ça. Ouais, c'est ça. Des fois, était très gourmand. Ouais. Mais parce que moi, je sais que c'était genre, bah alors, des extraterrestres, des explosions, et puis machin, et puis il y a Justin Bieber, et puis enfin, j'avais vraiment fait le panel de tout ce que je peux pas faire avec le fait qu'on peut pas avoir un budget limité. Nous, c'est la raison pour laquelle on a fait une BD, c'est qu'au début on vient du coup de la fiction comme toi quoi, sur de l'audiovisuel. Exactement. Et du coup en fait on commençait à développer des idées, on avait vraiment envie, bah, déjà que ce soit dans un collège, mais qu'il y ait le collège Philippe explose, qu'il y ait vraiment des pouvoirs partout. Spoil. Non, j'ai dit qu'on avait envie, j'ai pas dit qu'on l'avait fait. Ouais, ouais. Et on avait spoilé à vous deux. Super, t'es Tom Holland à mes yeux. C'est la dernière page de l'histoire, mais bon, tant pis. C'est vrai. Non. Non, non. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à la BD, c'est ce que tu dis, la gourmandise, de se dire, mais attends, mais en fait, ça va pas coûter plus cher de faire vraiment des choses ambitieuses. C'est bien, même si des fois, c'est un peu écrasant quand même, parce que, mais c'est vrai que c'est excitant de se dire. On va pas essayer d'écrire la meilleure histoire avec ce pitch dans le budget qu'on a, on va essayer d'écrire la meilleure histoire avec ce pitch. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est genre, t'as un pitch qui te plaît, comment tu peux l'explorer au maximum. Ouais. Bon, t'as quand même la limitation de nombre de pages, c'est hein, ça, parce qu'en vrai, ce ça que coûte dire, cher la BD. Ah, bien et, sûr. Et les budgets en vrai sont pas du tout énormes parce que c'est un univers quand même assez particulier, la BD. La plupart des BD en vrai ne marchent pas, il faut le dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et dans l'eau, il y a quelques BD qui explosent, qui financent les autres. Et c'est un métier assez précaire, voilà, les gens se gagnent sa vie avec la BD. C'est ça, il y a pas beaucoup de budget. Nous, on est payé quasiment rien, c'est le dessinateur, tu vois, qui prend tout. Ouais. Et c'est pas fou non plus. Ah non, ouais, et voilà, c'est même pas un plan quoi. Donc du coup, déjà, nous, on lui a grugé 10 pages. En vrai, il a été adorable avec nous. Ouais. On devait à l'origine avoir 60 pages de narration, là on en a 70. Ouais. Et en fait, ouais, ça coûte de l'argent, quoi. Ça coûte cher. Et en vrai, on s'est rendu compte que même en 70 pages, tu les atteins vite, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait à la fois le truc très positif de genre, waouh, on peut, par rapport à ce qu'on fait, aller partir très loin et, comme tu disais, être très gourmand dans l'ambition et tout. Mais par rapport à ce dont on a l'habitude aussi, dans la narration, c'était différent. On a appris, on s'est dit, ah oui, en fait, raconter une histoire dans des planches de bande dessinée, c'est pas du tout la même façon que quand tu fais un découpage pour une fiction. Ouais, parce qu'on avait un peu tendance à avoir ça en tête. Sauf que si on l'avait fait, la BD aurait fait 200 pages, quoi. Ouais. Et que là, fallait que ça fasse 60, donc, enfin 70, du coup. Mm. Et du coup, on s'est retrouvé à devoir, à se dire, ah, en fait, tout doit aller beaucoup plus vite, tout doit être compris plus rapidement. Et c'est ça, parce que vous êtes, comme moi, vous êtes pas auteur de bande dessinée à la base, donc en fait, il y a quand même une nouvelle grammaire à apprendre. Moi, j'avais. Ah bah, heureusement, appris beaucoup de Grelin, hein, qui avait fait déjà beaucoup de BD avant nous. Donc, ouais. Moi, j'ai eu la chance, pareil, de David Combet, qui a fait Oli et l'Alien, qui a fait un travail de ouf sur cette bande dessinée, et Davy Mourier, qui était chef de collection. Moi, c'est eux qui m'ont appris. Ben là, regarde, pense au fait que le lecteur va tourner la page. Donc, ton petit cliffhanger sympa, mais le plutôt en bas de page, ce qui est basique, mais sur le moment, si t'as jamais écrit de la BD, oui, t'y penses pas, mais tu te dis bah ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant. Nous, on a découvert plein de choses, pour ça j'ai trop hâte d'en refaire des nouvelles et tout, parce que t'apprends vraiment beaucoup de choses. Il y a un truc que j'adore qui est hyper pratique, que t'as pas du tout en fiction, c'est qu'en fait, vu que les gens lisent les répliques, ça paraît bête, hein, mais les gens lisent leurs répliques dans leur tête, donc ça ne peut pas mal sonner. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre une réplique. Si nous, on a quelquefois été embêtés à se dire mince, est-ce que là, on avait que deux pages, tu vois, est-ce qu'on a été assez clair? Dans le doute, mettons une petite réplique pour clarifier, il va faire ça, tu vois. Et en fait, sur le coup, on se dit ah, c'est dommage, dans une fiction, tu le ferais pas. Mais en fait, là, tu la lis et dans la BD, tu dis mais non, mais ça passe très bien parce que la personne qui l'imagine avec le bon ton, très bien vendu, alors que ce serait une réplique qui serait hyper dure à jouer pour un comédien sur un plateau, tu vois. Ouais. Donc il y a plein de codes comme ça qui sont hyper intéressants à explorer. Moi, mais nous, c'est la première fois aussi qu'on a été autant spectateur. C'est ça que j'ai adoré, moi. C'est qu'on a vu qu'en vrai, d'habitude, on réalise. Là, c'est comme si quasiment, même si on fait le découpage avec le dessinateur, mais quasi comme si quelqu'un réalisait pour nous. Bah, du coup, t'es spectateur un petit peu plus que quand tu tapes toute la réal et tout, où t'es un peu épuisé par le processus. Moi, j'adorais. Là, tu reçois ton œuvre quasiment, quoi. Donc c'est incroyable. Les mails page 1 à 12 où c'est l'objet, où tu sais que tu vas avoir les planches crayonnées puis machin de ton dessinateur, c'est un kiff de malade. C'est génial. Donc ça sort mercredi. Tout à ouais. fait. Mercredi. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y avait eu d'autres occurrences de Truth Boy. Parce que moi, je me souviens qu'on ouais. avait fait Movie versus Life. Ouais, effectivement. Il y avait un petit easter egg. C'est un personnage qu'on a fait revenir par-ci, par-là. Effectivement, ouais, Movie versus Life 1, c'est Raphaël Descraques qui joue Truth Boy. C'est ça. On avait glissé aussi des affiches dans Super Heroes Hangover d'un faux film Truth Boy c'est 2. C'est ça, je me souviens. Et plus où était la deuxième fois où ça, c'était ouais, dans Super ouais, Heroes. Bah on revient, dans, on, a des petites, on a 10 pages bonus à la fin de la BD. On revient un petit peu sur tout ça. Il y a des petites anecdotes aussi sur la fois où on a failli rencontrer le dessinateur de Truth Boy, mais en fait, non. Et c'était une catastrophe. Ah oui, d'accord. Mais okay. non, mais rigolo. Ouais. Et on raconte des petites bêtises comme ça. Trop bien, bonus, génial. Pour avoir ouais. un peu les insides du truc. Ouais, carrément, ouais. Ah, ça ouais. tue. Donc, Truth Boy, ça sort mercredi. Combien j'ai 27 avril. 27 avril. Pour le tome ouais. 1. Et on a un super teaser d'ailleurs. Il faut que je vous montre, les gars. Il sera sorti, je pense, d'ici trop là. Bien. Qui est trop bien. C'est Donald Renew qui fait la voix de Truth Boy. On est trop content. Ah, Valentin, c'est une animation un extrait, des ouais, cases. Génial. Et on est content parce qu'en plus, le pitch est quand même un peu absurde. Donc, des fois, les gens disent ouais, Truth Boy, c'est quoi, tu vois. Là, au moins, ça pose une bande annonce comme si c'était une bande annonce cinéma. Avec vraiment cette ambiance-là. On a voulu le faire comme si c'était une bande annonce ciné. Et il y a Justine Le Potier qui joue dedans. Donald Renew. Et nous, on a trop fait bien. Des voix ouais. aussi. Donald et ça aide à se projeter. Donald Renew, voix de Titeuf. Titeuf dessiné par Zep. Et là, oh, on Zep, reboucle tout. Oh là là, on revient. Et Spider-Man, du coup, Truth Boy, ça marche pas mal. Non, mais c'est incroyable. Je voulais juste dire Zep. Oui, je sais, j'imagine bien. Vous avez eu des sous pour le faire? Putain, moi je suis dégoûté, j'ai pas pu faire de teaser et truc pour eh bien, ma BD. Écoute, on a énormément de chance chez Glénat, là ils trop sont bien. Adorables, ils nous mettent oui, bien. Ils nous mettent bien, on peut le dire. Non, mais c'est trop ouais. cool. Mais c'est, au début, on voulait refaire un petit court métrage. Ah, mais là ça coûte très cher. Et là, bon, ils ont pas trop répondu là-dessus. En fait, ils ont fait trop bien, un court métrage, ça coûterait combien? Et donc on a donné oui. les budgets ouais. classiques d'un court-métrage ouais. non, ils ont fait bah ça coûte plus ouais. cher que la BD. Ouais ouais, non mais c'est ça. Dans le dessin animé, c'est déjà trop ouais. cool. Moi je voulais le faire et on a pas pu parce non, que ça coûtait non, non mais là en dessous, on est trop content, on a une bande bien. Annonce, on a une soirée de lancement, c'est trop donc, bien. Non non, on est trop content. Trop bien. On a vraiment hâte. Une question, alors c'est pour Adrien mais en vrai ça nous concerne tous un peu parce qu'on a tous été un peu ou en tout cas on a tous côtoyé ces milieux-là. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas le concept, parce que tu as dit que tu faisais ça dans les derniers podcasts, de le directeur d'écriture sur un sketch show? C'est-à-dire, est-ce que les sketchs sont retravaillés en fonction de tes commentaires? Est-ce que c'est toi qui as le dernier mot sur les textes, la mise en scène? Est-ce que ça consiste à veiller à la bonne organisation? Ou est-ce que c'est insuffler des idées au sein de tes auteurs, etc., etc.? Bah, c'est un peu tout ça, en vrai. Hein. Ouais. C'est un peu tout ça. Alors, pour le dernier mot... idéalement j'essaye justement de pas avoir le dernier mot parce que c'est pas le enfin le but justement le mot directeur pour moi veut dire mettre les gens dans la bonne direction ouais. justement oui, tu vois donc le a priori si tu as bien fait ton travail de directeur d'écriture t'as pas besoin d'imposer ton dernier mot parce qu'en fait c'est aller dans la direction que tu voulais. Est-ce que t'es un petit peu comme un moniteur d'auto-école un peu non mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as aussi un petit peu les commandes mais tu laisses conduire quand même. Ouais voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a effectivement quelqu'un qui fait une queue de poisson tu peux freiner. Enfin, voilà c'est tu peux exactement. Freiner. Non mais il y a plein d'aspects. Merci d'avoir continué ma métaphore. Je suis avec toi. Il y a plein d'aspects qui sont plus ou moins marrants. Ouais. Mais en gros le but bah par exemple pour parler du projet là en question le sketch show Divic bah c'est MST sur Canal Plus. Très bien. Voilà, merci, c'est d'avoir. Ah, mais c'est vrai qu'il est sorti en intégralité, j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai que Mike a que les sketchs. Ouais. Et là, on est en train d'écrire les deux. Trop bien. On finit d'écrire les deux suivants. Et l'idée, c'est aussi de. D'avoir une vision d'ensemble du projet, de dire ce serait bien qu'il y ait un sketch comme ci. Ah, là, on a trois sketchs comme ça, donc peut-être plutôt un sketch comme ci, machin, etc. Et puis, c'est aussi des trucs chiants, du genre relancer les auteurs. relancer les auteurs, faire le pont entre les auteurs et la production. Prod. Ça, moi, je trouve que c'est le plus gros du travail. Hein. C'est, mais c'est le plus cool. Quoi. Pas du tout. Non, mais voilà, t'as les textes, t'en es content, et puis genre, oui. Alors par contre, ça, on n'aura pas ce décor, donc il faudrait. Donc voilà, ça, c'est le truc. Voilà, là, c'est et puis même parfois anticiper aussi un peu. Mais on évite de le faire trop, mais aussi anticiper de dire bon, ça, je peux. Oui. T'emmerde pas l'écrire pas l'argent, vraiment ouais. Parce que bon moi cela dit parfois l'auteur a ça un peu en tête enfin ouais. peut avoir bah oui vous rendez vos comptes indirectement là c'est... vous non, parlez non, d'un non. sujet hyper précis là je l'entends non, il y a non, quelque chose entre les lignes non mais même pas même pas par exemple un sketch sur parle du Dorelsan non mais c'est ça non en plus non je vous dirai après mais non bah c'est ouais ce genre de truc de puis aussi enfin ça peut être un milliard de trucs ça peut être attention, ce sketch ça ressemble à un autre sketch qui a été fait. Donc ça nécessite aussi, dans la mesure du possible, d'avoir une petite culture du domaine dans lequel tu es en train d'écrire. De ouf. C'est plein de trucs. Et puis des fois, c'est justement si quand au dernier moment dire bon, je vais refaire une passe parce que des fois, il n'y a pas le temps. Des fois, en fait, là, typiquement, là, il faut qu'on qu'on rende vite les textes. Donc ça m'arrive de dire bon bah genre je préviens les auteurs en disant bon je vais refaire une passe dessus parce que oui c'est plus rapide parce que voilà c'est plus rapide sachant que sur MST c'est encore différent parce que tu es directeur d'écriture mais c'est un sketch show qui est autour d'une personnalité donc il y a quand même aussi un truc où tu enfin voilà il y a quand même ses choix aussi oui, voilà, y a quand même ses envies ça aussi, oui, c'est que là en l'occurrence moi je me repose enfin je suis vraiment au service de ce que veut faire Yvick et ce qu'il aime bien quoi c'est ouais. à dire que bah, par exemple dernière réunion d'écriture il y a un des auteurs qui a écrit un sketch que moi je trouvais vraiment bien marrant et tout pour moi c'était validé et Yvick a dit ouais non je sens pas trop j'aime pas trop bon bah c'est lui qui a le dernier mot parce que c'est lui qui va incarner le truc et tout et c'est son sketch c'est enfin, son sketch show donc voilà après, il le ferait pas bien donc enfin s'il le kiffait pas il le ferait pas c'est lui le vrai directeur artistique finalement c'est lui qui a le, pour le coup qui a le dernier mot mais ça me fait penser on devait faire à une époque un sketch show Golden Moustache qui était une petite arlésienne pour moi parce que j'avais vraiment adoré le peu qu'on avait travaillé c'est dessus vrai. C'est dommage et mais d'ailleurs j'ai insulté Richard dans ma tête il y a pas longtemps je t'ai envoyé un vocal tu te souviens pas j'ai vu le sketch un des sketchs de MST je me suis dit mais les bâtards ils ont pompé totalement un sketch de Key & Peele et tout parce que je vois le sketch je me dis mais je l'ai vu ce sketch je l'ai déjà vu c'est mais exactement c'est pas pas genre de vanne j'ai vu c'était exactement le sketch, ce sketch comme ça vient avec Baptiste ouais, c'est ça. Et du coup vraiment en plus je sais quand même comment vous bossez je me dis ça me paraît bizarre mais je savais pas exactement qui avait écrit le sketch, je me doutais. Je sais d'habitude quand vous pompez les trucs, on les retrouve pas. Quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est très caché. Bah, en fait, on pompe que des sketchs allemands, ouais, qui est intraçable. Mais bon, après, ça, c'est pour ça que tu es au courant. Comme je regarde tout ce qui se fait en Allemagne, du coup, depuis. Je regarde les crédits et je vois écrit par Adrien Méniel et je fais le lien. Je me dis ah ok, effectivement, c'était un sketch issu de ce sketch show avorté. Ah, voilà. Et du coup, j'ai envoyé un vocal. J'étais en train de me dire mais c'est des cons. C'est pas leur genre, tu vois pourquoi ils font ça. En tout cas, j'aime bien que quand tu vois un de mes sketchs, tu dis attends, c'est Key & Peele ou quoi. C'est moi. C'est le talent d'Adrien. Pardon. Non, et donc effectivement on devait faire ces sketch shows et un des tafs de directeur d'écriture que je trouvais super excitant c'est qu'il y en avait déjà eu deux autres avant et du coup c'était super intéressant de dire ok alors qu'est-ce qui est réussi qu'est-ce qui est moins réussi comment on peut mettre plus est-ce en avant est-ce qu'on garde Alice Moon c'était après c'est justement le sketch qu'on devait faire a été supprimé au profit de la soirée électorale d'Elysée Moon. C'est vrai. Ils n'ont pas rediffusé pour la soirée électorale. C'est dommage, c'était c'est le moment. C'est le moment. C'était l'occasion, putain. Et c'était super excitant d'essayer de faire rentrer ce qu'était Golden Moustache un peu dans un truc pour que les gens qui regardent la télé voilà, ça soit pris par la main et tout. Et avec le recul, on se dit, en fait, juste c'était suffisamment ouvert Golden Moustache. Enfin, tu sais, il n'y avait pas besoin. Là, sur MST, on se dit, c'est fou, la fiction a fait qu'aujourd'hui, tu regardes MST, c'est des sketchs qu'on aurait pu faire aussi à l'époque. La preuve, il y en a un qu'on devait faire à l'époque. Oui, bah oui. Et enfin, il n'y a pas besoin de tant que ça de prendre par la main des spectateurs pour comprendre l'émission au final, tu vois. Cela dit, c'est incarné, là aussi, il y a peut-être ça. Yvick qui incarne vraiment le concept. Oui, bah le sketch, d'ailleurs, je sais pas si tu veux rentrer dans ce niveau de détail, Adrien, mais en fait, c'est ça qui m'a fait bugger le cerveau aussi, c'est que de mémoire, si je me rappelle bien, du coup, de ce qu'on avait lu, de cette version de ce sketch-là à l'époque, c'était toi qui devais l'incarner et c'était plutôt de la chanson française, les morceaux, non? Ah non, non, non. Ah, c'était déjà le sketch a pas bougé depuis. Ah, ok, je croyais qu'il l'incarnait. Mais c'était toi qui devais jouer. Pas nécessairement, je crois. Il me semble que si, parce qu'on avait acté que c'était. Peut-être je faisais le manager et c'était McFly. Ça, c'était vous deux, McFly Carito, Justine Le Potier et Eleanor Coste, je crois. Les visages un peu. Oui, peut-être. Ah, ok, je croyais que c'était la version un peu chanson et que t'avais adapté en mode hip-hop pour. Non, c'était ça à l'époque. Mais. Il était déjà très rap à l'époque, attention. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais il a quand même une passion pour la chanson française. Il est bien clair, rappelons-le. Mais. Non, mais justement, ce qui était cool là, c'était que. Ah, c'est bon, y a plus Camille, on peut y aller. Pour un anniversaire du podcast, on peut faire une figurine ou un truc qui fait ce bruit quand t'appuies dessus. Un Simon, mais avec que des imitations flinguées. Il repleut. Une sandbox. Non mais c'est vrai. Il s'est arrêté de pleuvoir. Et j'ai revu un pigeon, je l'ai pas dit, Adrien. Écoute, merde. Non, une petite sandbox, régalez-moi, je vous fais des propales. Une petite sandbox, ça coûte que dalle. Tu mets deux piles à dedans. Avec là. Un paix aussi, quand même. Oui, un petit paix d'Yvick. Le best-of du podcast. Comme ça, t'as même plus besoin de le dire, t'appuies sur le bouton. Oui, c'est vrai. Parce que quand il te dit un truc, t'as pas envie de faire. Ouais, tac. Ouais, non, mais après, une app, hein, ça peut. Petite appli, petite appli. Bon, je le fais. Oh, c'est vrai qu'il y a eu la grande mode des applis de youtubeurs à une époque. Oui, tout le monde avait. Alors, il y a une sandbox où oh là! Non, mais. Il écoute, hein! Il écoute, attention! Mais oui, mais c'est pas méchant! Ou les youtubeurs qui font une BD aussi! C'est notre... Si, c'était la mode! Vous estimez que vous avez mis une disquette à la BD, vous? C'est vrai qu'à une époque, bah, non, mais avec Trousse Boy, vous avez pas mis une sorte de disquette! Moi, j'ai mis une véritable disquette à l'époque! Toi, tu l'as mis! Pas tout seul, mais vous étiez. Ah non, on était plusieurs! Vous étiez plusieurs! C'était les youtubeurs, hein! Les youtubeurs mettent une disquette à la BD, je vous rappelle! très peu. Non, il y avait Tyrell. Et Tyrell, pour le coup, ça m'avait rendu fou parce que c'était vraiment trop, trop bien. Vincent Tyrell, ouais. Vincent Tyrell, il faisait des pages un peu à la Gottlieb. Et c'était oui, très, très il marrant. Comblait les trous. Ouais, c'était ça. C'était la page de trop. La page de trop. Déjà, le concept était trop drôle. Et il faisait des dessins absurdes. Une question pour les garçons. Enfin, pour. Pour les garçons, pour Valentin. Salut, les garçons. C'est Macron, là. Salut, c'est Macron. Pour Jules Fou et Valentin, avez-vous prévu un retour du podcast Contre Soirée? Ah, parce que c'est oui. vrai que, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Contre Soirée, ce qui était l'idée? Ouais, bien sûr. Effectivement, on a lancé un podcast. On a fait en fait un pilote pour l'instant. Oui, c'est ça. Avec John Rachid et Amy Elter. Exactement. Ouais. Et en gros, l'idée est venue justement de un peu la nostalgie de l'époque Golden Moustache, tout ça, des brainstorming qu'on avait fait notamment avec vous. Bien sûr. Où en fait, en reparlant, on se disait mais des fois, il y a des moments qui sont mais cultes et dont il y a des souvenirs, j'imagine, vous très clairs dans votre mémoire, d'énormes fous rires en réunion d'écriture sur des fois des sujets, des sketchs qui n'existeront jamais pour X ou Y raison quoi. Et du coup, on s'est dit mais ces moments-là quand même, ils sont drôles et je pense qu'ils pourraient faire rire d'autres gens. Et du coup, c'est un peu de là qu'on est parti. On s'est dit on va essayer d'organiser une espèce de cours de récréation pour créatifs en tout genre quoi, donc plutôt des scénaristes ou même des gens qui viennent de la BD, de peu importe, TikTok et tout. Ouais. Et on va les mettre en gros à l'épreuve, faire des jeux en fait. Donc c'est plutôt une émission de jeu où du coup on va aller stimuler par exemple trois mots aléatoires et faut essayer de trouver une histoire autour de ça. Ou les jeux des titres, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de films qui s'appellent Very Bad quelque chose. Ouais. Donc du coup on s'est dit on met un mot, on demandait à la communauté de nous faire des propositions. Donc Very Bad contrôleur des impôts, mais même des trucs aussi fous que ça, tu vois. Ouais. Et on s'amuse à essayer d'imaginer ça serait quoi le film, tu vois, autour, qu'est-ce que ça va être. Ou des pitchs de films ou des titres de films qui vont sortir et essayer de deviner ce que ça va être. On a fait ça avec le prochain Dupieux d'ailleurs, on a hâte de voir ce que ça donne parce qu'on a essayé de deviner juste sur le pitch ce qu'allait être le film. Je pense qu'on est un peu à côté. On a essayé de se projeter et l'idée c'est de voir après si on a eu bon. Mais du coup on a fait un pilote pour l'instant et je te laisse. Ouais, non mais on a fait qu'un pilote mais on aimerait le faire. C'était là, on n'a pas trouvé le moment pour le faire. Puis en fait, justement, si on le fait, c'est pas pour refaire une émission et ne pas en faire pendant 6 mois. On aimerait enregistrer plusieurs d'un coup. Oui, avoir un petit rythme de croisière c'est ça, après. Pour diffuser, j'en sais pas, un par mois pendant quelques mois. Quoi. Ouais. Mais en fait, ça demande soit beaucoup de temps, soit pas mal d'argent quand même. Bah, beaucoup de temps. Donc on essaie de trouver. Ouais, souvent, beaucoup c'est de temps d'ailleurs. Si tu le fais tout seul, si tu le fais faire par d'autres gens, ça coûte quand même pas mal d'argent. Ouais. Et on n'a pas une économie hyper viable pour l'instant autour de ça. Donc il faut qu'on trouve effectivement comment on peut faire pour en tourner plein d'un coup. Mais c'est trop cool que quelqu'un ait écouté. On a eu plutôt des bons retours. Ouais. Mais effectivement, il faut qu'on s'organise pour faire d'autres épisodes. J'ai l'impression qu'on est un petit peu atypique dans les podcasts parce qu'on arrive après la bataille hein, quand même. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un minimum, en tout cas dans la veine de ce que nous on aime faire souvent. Moi, j'avais fait Jam où on faisait un court métrage en deux jours. Bah, Adrien a participé deux fois, je crois. Ouais. Donc on a ce truc là avec Valentin, on a fait aussi, on a écrit un film documenté sur Twitch. Il y avait une question sur ça, trop marrant. C'est vrai, qui disait comme si c'était des nouvelles, Valentin pourra t'en donner, il y en a pas. non, c'est pas des nouvelles. On aime bien documenter l'écriture, essayer de montrer et souvent en fait pour dire montrer aussi que c'est facile parce que moi j'ai eu l'impression qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues quand j'ai essayé de devenir scénariste, tu vois. Quand tu l'historique et le truc culte pour les scénaristes qui est un bouquin écrit par Robert Mackie qui est genre le bouquin emblématique pour apprendre à écrire un scénario, mais c'est l'enfer sur terre. Il est super dur, c'est trop dur en fait. Et surtout Robert Mackie passe son temps à te dire c'est dur et il faut faire comme ça et pas autrement, etc. Et t'as l'impression que c'est un métier qui est inaccessible. Ouais. Et je trouve ça hyper dommage. Et maintenant en fait que je suis passé par des bouquins qui sont beaucoup plus accessibles comme Save the Cat que je cite souvent comme d'autres. Et j'arrive à retourner à Story, tu vois, parce que j'arrive à me confronter à ça, à le relire un petit peu, et encore pas en entier, parce que c'est un gros pavé. Mais et moi, on essaie en tout cas à notre petite échelle d'essayer de montrer aux gens que c'est facile d'écrire, que c'est juste s'amuser avec des copains en fait, quoi, tu vois. Et faites-le, quoi, tu vois. C'est la bonne façon de penser, de dire c'est le truc que j'aurais aimé qu'on me dise ou qu'on me montre. Et du coup, c'est plutôt chouette d'aller là-dedans, je trouve, pour effectivement. Pour moi, j'avais ça avec les bonus DVD, où je croyais que ça démystifiait un métier qu'on m'avait beaucoup mystifié. Surtout un petit gars de province de oh là là, attends, impossible d'y aller, oh là là, mes pauvres amis, oh là là, c'est une caste, c'est une famille, tu peux pas y aller. Ouais. Et du coup, c'est trop bien de faire ça. Et effectivement, donc, sur Twitch, vous aviez deux. Adrien, attends, pardon, juste, parce que moi, je viens de finir d'écouter le livre audio qui avait été recommandé par Timothée Hochet quand il était passé, Like Brothers, les frères Duplass, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ils ont fait Creep sur Netflix. Creep, Blue Jay, ils ont fait Paddleton. C'est deux frangins qui font des films plutôt des films indés mais plutôt low budget. D'ailleurs je vous recommande d'ailleurs le bouquin, vraiment, le bouquin c'est trop bien, le bouquin non mais en gros c'est vraiment un bouquin, c'est quoi le nom, pardon, tu dis Like Brothers, d'accord, okay. Et c'est vraiment en fait eux ils sont c'est vraiment deux frères et puis ils ont commencé à faire des films tu vois, avec le caméscope de leur daron quand ils étaient enfants, okay, ils ont continué à faire des films ensemble et tout, les écrire ensemble. Il y en a un qui joue, l'autre qui réalise. Trop bien. Et un petit peu comme s'ils étaient des frères, finalement. Exactement. Au final. Et Non, et puis alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi du fait que bah, du coup, il y a aussi des aspects négatifs, un côté un peu malsain parfois à leur relation hyper fusionnelle. Ah, okay, ouais. Mais c'est intéressant, et notamment, c'est pour ça que je parle de ça, c'est qu'il y a des petits intermèdes dans le bouquin où ils font en fait, eux, ils font un jeu quand ils sont tous les deux, où ils sont dans un aéroport et il y a enfin un aéroport ou un lieu public, peu importe, et il y a quelqu'un en face d'eux et ils prennent une personne et ils imaginent le personnage et ils imaginent le scénario. Pourquoi il est là, machin. Ou alors, quand il y a deux personnes, ils disent ok, c'est quoi leur relation, nanana, ils font ce truc et ils commencent à imaginer une histoire comme ça, et ils le font dans le livre audio. Du coup, c'est assez cool parce qu'on les entend le faire tous les deux. Et du coup, ça me fait penser. Mais c'est marrant, mais c'est dans un dialogue. Je vais peut-être tourner un truc bientôt, un petit pilote de format court. Mais c'est vraiment pas sûr, mais peut-être. Ouais. Et j'ai écrit déjà le truc. Et ils font ce jeu-là. C'est parce que j'ai déjà fait ce jeu-là. C'est quoi sa life? C'est quoi sa life? Mais c'est plus c'est quoi sa life? Dans la vie, c'est quoi sa life à ce mec-là ou à cette meuf-là? C'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et donc, oui, vous aviez écrit. Est-ce que vous étiez allé au bout de l'écriture? Non, on a fait vous un traitement. Pitché. Oui, un traitement. Ouais, sur Twitch, qui était en gros, on essaie d'aller au bout d'un traitement de film. En partant de zéro, avec le chat qui peut observer et en même temps participer d'une certaine manière. C'est ça, on avait essayé de trouver une règle, ça, pour pas que les gens aient l'impression de. En fait, on voulait pas qu'ils nous donnent trop d'idées pour pas. Parce que ça avait quand même pour but d'arriver à faire un traitement de film et potentiellement aller plus loin derrière. Bien sûr. C'était plus documenté l'écriture. Donc c'était ça. Donc on avait un peu cadré pour dire. Vous aviez. Vous l'aviez rendu ludique. C'est ça. En fait, on demandait plus l'avis du chat, de genre, quand on hésitait sur une idée et tout. Mais lancer sur des jeux qui nous lançaient sur des idées, en fait. Ils donnaient rarement des idées. Il y avait quand même des idées, hein. Et on a noté. Et on des notait noms. Du coup, quand vraiment il y avait une idée donnée qui nous faisait. Et en fait, on s'était fixé 3 semaines. On s'était dit, est-ce qu'en 3 semaines, on peut partir de rien et avoir un pitch de film et aller jusqu'au traitement? Et ce qu'on a fait, et en vrai, après, on a continué. On n'en a pas parlé après, parce que du coup, on est parti de ce traitement qu'on a un peu rebossé entre nous, qui méritait plus d'être documenté, parce qu'après, là, on passait dans les trucs chiants de, de rédaction, de pas filmer juste deux mecs qui tapent. On voulait un peu, on a commencé, puis après, on s'est dit, bon, ça va être vraiment chiant. Ce qui est documenté, c'est le brainstorm, en gros. C'est la réflexion sur 15 jours, 3 semaines, ça. Et du coup non, et ce projet après il a été lu par des producteurs, on a eu des mais c'est plus que c'était un pitch qu'on se voyait plus vraiment faire, qui nous a séduit sur le moment. C'était cool d'y réfléchir et qu'on garde de côté parce qu'on pense qu'il y a encore une bonne idée, mais c'était pas le projet qu'on voulait, c'était pas le moment, c'était pas le truc. Non, mais par contre ça correspondait à ce qu'on avait envie de faire à ce moment là on voulait faire vraiment, on sortait d'une annulation d'une série qu'on avait écrite pendant 6 mois, peu frustré, et c'était une comédie et c'était devenu très compliqué à écrire en structure. On avait envie d'écrire un truc hyper léger, une vraie comédie à fond, et du coup on était parti sur ce truc là mais on a eu d'autres idées d'ailleurs pendant le live qui nous restent encore dans un coin de tête et qu'on fera peut-être un coup. C'est toujours ça, c'est que si c'est pas sur ce film là il y aura peut-être des idées qui peuvent aller dans un truc carrément. Il y a notamment un autre pitch très absurde, beaucoup plus Quentin Dupieux, disons, si je peux me permettre, qui est très cool aussi, qu'on aimerait bien traiter un jour, mais vous pouvez aller voir ça, c'est trop intéressant. Et j'ai l'impression que les gens, moi j'étais surpris de voir la quantité de gens qui regardaient, parce qu'on se dit on va faire un petit truc de nerd juste pour voir, et en fait les gens s'intéressent vachement au processus créatif, et on était trop touchés de voir des gens qui nous disaient moi je fais un métier qui n'a rien à voir, et on voyait des fois t'as des pseudos qui reviennent, tu dis mais ce pseudo il est marrant et c'est trop cool, et on se disait j'espère ça, on aimerait bien refaire ce genre d'expérience pour que certaines personnes des fois réalisent qu'ils sont marrants, qu'ils ont des bonnes idées, et peut-être créer des vocations, on sait jamais, mais je trouve ça incroyable de créer une vocation à un jeu comme ça, genre. À chaque Floodcast on reçoit toujours des questions liées encore aujourd'hui au processus créatif, quelque chose, c'était des gens, vous recevez beaucoup d'artistes, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le Floodcast qui créent déjà des choses ou qui ont envie de créer des qui choses ont envie, de ouf. Et puis en plus c'est vrai que c'était pas des choses facilement accessibles encore récemment, et donc effectivement si ça peut permettre à notre tout petit niveau de donner un petit inside sur comment ça se passe. Parce qu'en plus le plus dur c'est de démarrer. Une fois que t'es lancé, après que t'as fait 2-3 trucs, tu te dis ok, j'ai réussi à faire 2-3 trucs, ça te motive quand même, surtout si t'as fait 2-3 trucs qui ont un peu plu, c'est bon, c'est un starter, et le starter c'est ça le plus dur en fait. Il y a des gens qui peuvent attendre 40 ans avant de vraiment se lancer, quoi. L'exemple à chaque fois. Mais dans la sandbox. Et dans non, mais dans notre cas c'était plus canard que canard. C'était Donald. Donald, c'était clairement Donald. Mais non, et dans notre cas aussi, de voir que des fois c'est dur de se lancer tout seul, et nous on a ce truc de beaucoup écrire ensemble, du coup Truth Boy etc, des projets, donc de voir que des fois c'est juste trouver aussi savoir s'entourer, trouver la bonne personne avec qui tu te marres, avec qui ça accroche, et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de ça aussi, de se dire ah mais en fait effectivement à deux c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées qui sont des bonnes idées mais qui restent qui ruminent tout seul, et en fait ouais. peut-être que si juste ils en parlaient avec un pote à eux, ben le truc se décoincerait beaucoup plus facilement quoi. Oui, puis t'as quand même besoin de confronter, enfin même si tu veux écrire seul faut confronter ouais. moi c'est ouais. parfois je recevais des trucs des gens qui font alors j'ai une web série, voici les 35 épisodes de 50 pages chacun, et tu fais oh là là mec, confronte un peu des trucs plus petits avec des gens de ton entourage avant de commencer à autant te lancer, parce que là si je te dis que tout est nul c'est horrible quoi, donc non mais ça pourrait arriver. Ce qui est intéressant c'est mais que j'ai bien pris après ouais cela dit ça t'a pas empêché voilà. Ce qui est intéressant c'est que c'est un problème qui j'ai l'impression revient potentiellement en fin de carrière, parce qu'en fait t'es tellement, si t'es devenu tellement fat, je parle pas du tout de moi hein, je parle des gens qui deviennent tellement importants que du coup plus personne n'ose les contredire ouais. et du coup il y a plus ouais. personne qui sont là pour leur dire non, oh, attention, deux heures. Tu ne bosseras jamais avec lui. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Et j'écoutais récemment un podcast avec Fab Caro qui parlait de ça, qui disait que ses deux filles étaient intransigeantes avec lui. Et d'ailleurs, il les a intégrées apparemment. Faut que je lise dans Moon son... River. Ouais, dans Moon River, son dernier, où apparemment il y a ses filles tellement elle l'emmerdait en gros à lui dire c'est de la merde ce que t'écris papa. Tu te redis, tu fais les mêmes choses que les mêmes blagues, etc. Que du coup, il les a intégrées dedans. C'est et vrai. Il disait que mais lui, il trouvait ça génial que du coup elle soit sans pitié quoi, parce qu'il avait besoin de ça pour être stimulé quoi. Bah oui, parce hyper intelligent. Plus, là, tout le monde le veut quoi, enfin genre dès qu'il sort un truc on va l'adapter. Non mais attends, calmez-vous. Non mais c'est ça. Bon chers amis, il faut qu'on partage aussi nos recommandations culturelles, parce que j'ai il y a un bébé à nourrir. Est-ce que vous avez non mais si t'attends un petit peu il sera déjà nourri. Ouais. Si tu veux on peut relancer un petit sujet. Deux trois imitations et puis non, est-ce que vous avez consommé culturellement parlant quelque chose récemment que vous avez envie de partager? Ça peut pas forcément être quelque chose de récent, quelque chose que vous avez vous découvert récemment, mais si c'est un vieux film ça marche aussi, ou une vieille pièce, quelque chose. Valentin, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Attends, j'espère que j'en ai pas parlé, mais c'est une chaîne YouTube de Guillaume Cassard. C'est la chaîne YouTube Guillaume Cassard. Ok. C'est une chaîne sur le cinéma et qui fait, en gros, qui parle de films, mais qui parle un peu de comment s'est construit le projet. Ok. Et c'est un peu dans la même veine que Monsieur Mea ou Mea, je sais pas comment. Ouais. Super chaîne. Monsieur Bobine sur le côté ouais. vraiment aller trouver. En fait, il raconte vraiment la genèse de films. La dernière, c'est sur 10 Cloverfield Lane, par exemple. Qui est un super film. Qui est un super ouais. film. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, il va aller te dire qu'en fait, il y avait un tel sur le projet, mais que en fait, il n'a pas pu continuer. Donc, c'est un tel qui a repris l'écriture et tout. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure avec le making of, c'est que ça humanise vachement. En gros, nous, ça permet de se rendre compte que même sur des super productions, c'est toujours à l'arrache en fait. Ouais. Non, mais c'est toujours. Ils ont toujours les mêmes galères. Et tu t'attends pas à ce que sur des trucs à des millions et des millions de budget, il y ait les mêmes galères. Mais en plus grosse, mais tu retrouves des parallèles avec ce qu'on fait nous sur un sketch quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Et il fait surtout il fait beaucoup de, il va parler de saga entière, donc il avait fait tout Alien et là il fait tous les Cloverfield. Voilà, saga africaine, on en a parlé ou pas? La chanson. Ouais, la chanson. Bah, j'espère. Fais gaffe, parce que moi les vannes de merde j'adore, je serais capable de faire la saga Africa juste pour que ce truc existe. Hein. Moi je suis capable de faire genre le truc, hein. Faut pas me lancer. J'ai changé la fin de Titanic, je te rappelle. J'ai projeté le film en entier. Et non, voilà, Guillaume Cassard, chaîne YouTube sur le cinéma. Et sinon, alors c'est un film dont tout le monde a parlé, mais c'est juste que je l'ai enfin vu. C'est The Father. Et en fait, Jérôme Niel l'avait conseillé. Et en fait, je vais en parler parce que j'avais cet a priori de me dire oui, ça se voit que c'est un très bon film, mais vu le sujet, bon, bah, je vais voir un vieux qui perd la boule. Ouais. Et je m'attendais vraiment à voir ça. Je suis vieux. Je voyais à quel point ça allait être bien, mais très triste et très. Et en fait, facile en fait. Tu t'attendais à un film facile vous allez faire chialer, bon, quand même des Oscars et tout, mais voilà. Et en fait, c'est très cinématographique. C'est que c'est adapté d'une pièce de théâtre et je trouve que c'est un film qui est vraiment un film de cinéma parce que il y a une maîtrice de la narration de cinéma. Il y a un truc sur caméra, le montage, il y a un truc sur la mise en image et sur le montage et sur la chronologie et du coup je me suis vraiment pris une claque, mais vraiment une claque, parce que j'y allais vraiment en me disant bon bah oui bon c'est un bon film. T'es Chris Rock? Non, c'est dans l'actu. Bah c'est dans l'actu, je suis plus l'actu, la souris. Et voilà. C'est un français en plus, vous l'avez pas dit, Florent Zeller, qui est un auteur de théâtre, c'est ça. Et en fait le fait de, c'est con, mais le fait que ce soit une adaptation de pièce de théâtre, il va partir. J'ai reconnu direct, pourquoi t'es piégé la souris? En plus j'ai pas la ref de souris, il met toujours une petite souris dans ses dessins. Ah, putain, avec le drapeau français. Et non, en fait, c'est vraiment le fait que ce soit adapté d'une pièce de théâtre. Je m'attendais pas à. Tu t'as donné le dîner de con. Voilà. Ouais, un truc très. Non, mais un peu théâtre filmé. Un peu théâtre filmé. En vrai, un super sujet, mais un théâtre, du théâtre filmé, quoi. Mmh. Et en fait, non, c'est un film. Enfin, là, pour le coup, l'adaptation, c'est vraiment un film de cinéma. Ouais. Et par comparaison, ça avait déjà été adapté il y a quelques années au cinéma. Et quand tu regardes la bande-annonce, tu vois qu'il y en a un que. Ah, je savais pas ça. Ouais, ouais, qui a fait vraiment un film basique. Et là, lui, c'est l'auteur de la pièce qui a fait le film, ouais. The Father, et tu sens qu'il a réfléchi à, maintenant que c'est au cinéma, comment le montrer. Génial. Au cinéma, quoi. Génial. Et j'ai pleuré énormément. Bien sûr, c'est ce que j'ai à dire. Moi, j'ai jamais pleuré autant. Toi, tu m'as dit ça aussi, je crois. Ouais. Je me suis effondré sur ma copine. Moi, je me suis, moi, je me suis réveillé. C'était le générique était fini. Enfin, réveillé. J'ai arrêté de pleurer. Le générique était fini. Tu crois ça? Ça m'est jamais arrivé de la life. C'était trop bizarre. Ah, par contre, je veux pas dire ça. C'est pas en fait. Oui, vous attendez pas. Ouais, ouais. Non, surtout. Pas pleurer vraiment de tristesse. Oui, c'est ça en fait. C'est pas déprimant. C'est émouvant, quoi. Ouais, c'est émouvant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle émotion. Ça te confronte un peu à un truc personnel aussi, moi, je trouve. Ça convoque des choses perso, bien sûr, donc bien c'est sûr. Ça qui est ça, ça va me remuer, je sens que je vais être mais pendant le film c'est pas un petit Adam Sandler derrière, en tout cas prévois-le. Non, mais en vrai c'est le film est pas pesant, et c'est ça qui me faisait peur quand je voyais le sujet. Oui, je suis d'accord. Je me suis dit c'est même un peu marrant. Ouais, je prends 2 heures de bon bah c'est marrant parce qu'il perd la boule quand tu dis au petit, tu fais je suis fou, c'est mon passage préféré. Il fait poitrine de camion avec des meufs. Marianne, elle est toute nue, c'est plantu. Non mais oui, et je l'ai déjà dit le mot pour complètement autre chose, mais c'est ludique, je trouve. Enfin, il y a un truc un peu de oh putain, alors du coup je comprends. Enfin, c'est vachement. C'est un escape game. C'est Squid Game d'ailleurs, hein, plus ou moins. Il perd malheureusement, bien sûr. Il sait plus où il a sorti. Donc, la clé. C'est ma maison, non. Bon. Bah non, stop. Moi je vais vous conseiller un petit film aussi, Crimson Peak de Guillermo del Toro. Ah, oui. Parce que moi j'adore Guillermo del Toro et on m'avait toujours dit. Crimson Peak, c'est le pas bon film de Guillermo del Toro, en gros. Et je l'ai vu. T'adores. Et ben j'ai trouvé ça super. Qui adore tout, toi. Hein? T'es le genre de cinéphile qui adore tout. Bah, c'est contradictoire, parce que les cinéphiles souvent n'adorent pas tout. Ils font, oui, oh, justement, oui. C'est pour ça que je dis que t'es le genre de cinéphile. C'est même pas un genre, je suis tout seul. Bon, calmez-vous. Non, mais en vrai, c'est vraiment un film que j'ai trouvé chambé, qui est très beau, très. On m'avait dit, ouais, c'est super froid, les personnages, on n'est pas touché par eux. Bah, moi, j'ai été super touché et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, mais c'est très gothique, c'est vachement bien. C'est les thématiques de Del Toro, de à chaque fois, de qui sont les vrais monstres, etc. Mais c'est vachement, vachement beau et j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça très, très, très bien. Il dit le masque qu'on porte tous. Mmh. Bah, maintenant, on en porte tous un pour de vrai. Tu fais ça dans le film du Covid. Les masques qu'elle nous porte. Mais évidemment, c'est toute métaphore, un symbole. Bien sûr, The Mask. Évidemment, évidemment. Et The Town de Ben Affleck, j'en mets aussi. Voilà, je vous en dis pas plus. Super film d'action. Je l'avais jamais vu. C'est récent, c'est un des. Non, c'est un vieux film. Il l'avait fait avant Argo et tout, mais. Très très bon film. Ben Affleck, j'avais Ben Stiller en tête. Non, Ben Affleck. Oui, non, Ben Affleck. Et sur des braquages à Boston. Et c'est. Ah bah, il adore Boston. Vachement bien. Il adore Boston. Son groupe préféré de musique? Boston. Bah, bien sûr. Bon, je vois une marque qui ferait des robots, son préféré. Boston Dynamics, bien sûr. Sa comédie musicale préférée, Chicago. Rien à voir. C'est là où il est relou. C'est là où il est relou. Fenouilman des Bois. Ouais. J'ai trois trucs, je vais faire très très rapidement. Ouais, bien sûr. Non, mais un peu comme toi, un film que je trouve dont on n'a pas assez parlé, que j'ai vu il y a pas longtemps, Mid-90s de Jonah Hill. Ah, génial. Que j'ai vu là il y a quelques mois et que j'ai trouvé très cool, quoi. Enfin, et surtout, en fait, ça s'adresse particulièrement, je trouve, aux gens qui ont au moins essayé comme moi de skater. Pas forcément. Ouais. Non, mais dans les années 90, évidemment, le titre s'appelle Mid-90s, mais ça parle vraiment de ça. Et pour moi, le final est une idée de génie. La dernière séquence, tu l'as vu, génial. Est une idée. J'ai fait ah, le bâtard, et il tape en plein dans le mille de si t'as kiffé cette époque-là, années 90, skate, quoi. Ouais. Non, c'est super, un super film. Incroyable. Et ça, ce petit côté feel good. Et les acteurs jouent bien, c'est des gamins. Enfin, ouais. C'est toujours des fois le truc un peu tu fais oula. Et en fait, non, là, tout le monde joue trop bien. Ouais, c'est chambé. C'est hyper surprenant. J'ai aussi un compte TikTok à vous recommander parce que la dernière fois que je suis venu d'ailleurs au Floodcast, j'étais déjà dans ce combat d'essayer de faire expliquer aux gens que TikTok c'est cool. J'ai l'impression qu'on a avancé. Depuis d'ailleurs, ah bah oui, c'est vrai, ouais, ça va. Les gens commencent donc c'est cool. Et j'ai l'impression que là, j'ai le compte TikTok pour que les gens ferment leur gueule définitivement. Okay. Et ça s'appelle American Baron. C'est un américain, coréen-américain, qui a 2,4 millions d'abonnés. Ça y est, ça commence à grave buzzer. Mais en fait, il fait des petites histoires sur TikTok. En fait, c'est vraiment un réalisateur, quoi. D'accord. Et il est vraiment, vraiment incroyable. Il s'appelle Baron Ryan, mais son pseudo, c'est American Baron. Et je vous invite d'ailleurs, vous pouvez regarder celui qu'il a épinglé, Coming of Age, pour commencer. C'est son plus gros carton et c'est trop beau parce que pour moi, il montre vraiment, il démontre ce que dit Aurel San dans sa chanson. Tu sais, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. C'est pas ça. Si, c'est ça. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ok, ça. Et bah pour moi, il prouve, il applique vraiment cette phrase-là. Ouais. Et c'est trop beau à voir. Il arrive à mettre de l'émotion et en même temps être un peu marrant. Il fait tous les personnages. Donc il y a un truc hyper touchant, vraiment de vraiment do it yourself. Et en même temps, il fait des trucs qui sont émouvants des fois en 40 secondes. Donc vraiment trop chouette, quoi. Trop beau. Et en musique, Julien Granel, allez écouter. On n'écoute pas assez Julien Granel. C'est, vrai. C'est super ce qu'il fait. On va l'écouter pas mal. Il est la première partie de Angèle. Mais oui, là, il là, dans des grandes salles. Il l'avait déjà fait d'ailleurs, je crois. Mais si, justement, mais... si vous voulez dire, ah ben bah, moi je l'écoutais avant que ça cartonne, et ben bah, faut aller l'écouter maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Il a plein de couleurs sur lui. C'est l'éléphant et le maire. Ouais. Il sort son album d'ailleurs bientôt. C'est un pan, ce mec. C'est vrai que c'est un pan. C'est vrai. Mais d'ailleurs, en l'occurrence, quand t'es dans un parc. Il t'arrive de croiser Julien Granel qui mange des graines. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un pan. Il t'attaque si tu donnes pas de pain. Les scientifiques ont donné le nom de Julien Granel à un pan d'ailleurs. Ça bien. Le Granellus panus. Il y a plus rien, 2h20. Non, bien sûr. Non, moi, je sais plus du coup si Timothée avait seulement recommandé le livre des Frères Duplass ou s'il avait recommandé. Il avait dit en tout cas, et en plus leurs films sont chômés. Oui, voilà. Et ben, moi, du coup. J'ai suivi ses conseils, donc j'ai écouté le livre audio Like Brothers. Ça m'a donné envie de mieux connaître leur film. Donc j'ai envoyé. Pourquoi le livre audio, ils le lisent eux ou non? C'est juste comme ça. Alors moi, c'est juste que je suis incapable de lire. Il ne peut pas piffrer les bouquins. Non, mais je croyais qu'il y avait une version particulière. Je me posais la question. Alors en l'occurrence, c'est eux qui lisent. Et okay, c'est cool. Okay. Moi, et puis oui. J'ai une vraie question sur les livres audio. Parce que j'ai commencé à en écouter, mais à chaque fois, je m'endors parce que c'était pour dormir. Ah oui. Non mais du coup, c'est dans quelles conditions toi tu genre, en faisant autre chose ou vraiment tu te mets non moi c'est en faisant autre chose, en marchant, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle. Comme un podcast, ça prend un bon mois et demi d'écouter un bouquin quoi. Non. Non, ça va, ça dépend des fois. Oui, c'est non, ça. Mais... Moi, ça me prendrait beaucoup de temps. Lui, il est très clean, attention. Lui, Je suis obsédé par le ménage. Bah, petit produit à vitre que tu conseilles aussi, je crois. Alors, c'est pas un produit, c'est plus. Alors, ça peut être Maraco, ma deuxième Maraco. Non, j'ai acheté une raclette à vitre avec un aspirateur intégré là. Oh, génial. Ah, oui, il est intéressé. Bah, oui, mais c'est la marque Karcher. T'as un petit pchit avec une brosse intégrée, donc tu pchites et tu nettoies et après t'as la raclette et alors là, les vitres c'est du cristal. Tu boufferais dessus, je peux pas te dire. Et donc j'ai demandé à Timothée conseille-moi des films des Frères Duplass et parmi ceux-là il y avait pas Dalton et donc j'ai regardé qui est avec donc Marc Duplass et Ray Romano. Et Greg Romano. Paddington avec Romano. Qui fait Paddington. Qui fait l'ours. Non, avec Ray Romano. Et c'est un film un peu tragique. Plus tragique en vrai que comique, quoi. Enfin, il y a pas. Mais hyper touchant. En gros. Et sur Netflix, en tout cas. Si vous cherchez. Oui, alors beaucoup de leurs films sont sur Netflix, donc ça c'est cool. Notamment Blue Jay, que j'ai regardé aussi, qui est. Bon, genre, allez, très beau film, Blue Jay. Ouais, moi j'avais regardé hier soir. Très joli film. 1h17, et ça j'adore déjà. Oui, déjà, c'est très court. C'est comment Blue Jay et Paddleton. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui est. Il lui reste très peu de temps. Enfin, il a un cancer en phase terminale, en gros. Et il dit. J'ai pas envie de passer par une phase de souffrance et tout. Je veux mettre fin à mes jours, genre de façon légale et tout. Et il demande à son pote de l'assister, enfin son meilleur pote, quoi, et avec qui passe tout son temps. Et donc, il lui demande dans toutes les étapes de l'assister, quoi. Donc, c'est hyper touchant, c'est hyper beau, c'est super. Voilà, un super film, Paddleton, j'ai trouvé ça. Puis encore une fois, je pense qu'il doit être très court aussi. Ouais. Et donc très bien, voilà, Paddleton, je recommande le film Paddleton. Sublime, magnifique. Et, quel film? Kid Paddleton. Rien à voir avec le paddle, le sport. Non. Ouais, bon. Et ben, détrompe-toi. Ah bon, sans déconner. Oh, le twist. Ah non, pas le stand de paddle, mais. Ouais. Non, mais en gros, le titre du film, c'est parce qu'ils ont inventé un sport qui s'appelle le paddleton. Ah. Oui, qui se joue avec des raquettes et tout. Ah oui. Ça vient de. Si c'est joué au badminton sur des paddles, c'est je conseille pas. Non, c'est pas ça. Non, et j'en profite pour aussi placer Hippocampe d'Eléonor Coste, qui est sorti pas sur vu YouTube. Encore. Ouais. Moi, je suis allé à l'avant-première. Et c'est marrant d'ailleurs parce que on peut voir des ponts très clairs entre les films des frères Duplass et le cinéma d'Eleanor Coste. Genre, enfin, Blue Jay, ça pourrait être tout à fait du Costes. Voilà. Ouais. Et donc Hippocampe, qui est sur YouTube, allez voir ça. Eleanor, on a hâte de voir des projets encore plus longs avec moi dedans. Bon bah super, écoutez chers amis, très on a fait long mais tant mieux, très cool, 2h30 dites-vous. Petit tour de table encore une fois pour la promo. Alors Camille qui est partie un peu plus tôt parce que vraiment je l'ai mitonné sur les horaires, je me suis planté. Elle joue effectivement au point virgule tous les vendredis. Voilà. Hugo, elle est pas là pour te corriger. Oui, cela dit, mais allez voir ce qu'elle fait, c'est très très drôle. Valentin et Julien, Trousse Boy. Trousse Boy le 27 avril. Thomas. Dans est déjà disponible. Et, voilà. Et parce qu'on l'a, on le cite pas assez, on joue Troskull. Ah oui, c'est vrai. On a réalisé, que vous étiez trop méchant avec le Troskull. Oui. Voilà, on s'est dit qu'on allait tendre avec le Troskull. C'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on est pas tendre. C'est bientôt les 20 ans du Troskull. Putain. Ouais. Et qui joue à ton avis le soir des 20 ans du Troskull? Les Stones. J'imagine les Rolling Stones. Les Stones et nous. Putain, génial. Avec Kawaii Bukake, votre groupe. Vous faites le Hellfest aussi? Ouais, en fait, c'est un peu les derniers concerts. Donc on devait faire que le Hellfest et on fait quelques dates avant seront des dates de répétition puisqu'on n'a pas le temps de répéter. C'est ça, c'est de la chauffe et effectivement pour l'instant après pas de date prévue avec Kawaii Bukake après le Hellfest. Ouais. Et voilà, on dit au revoir au groupe pour l'instant, on n'en sait rien mais dans l'immédiat vous retrouverez dans 30 ans comme dans les 3 frères 2. Et on produit notre premier court métrage, on a créé une boîte de production avec Valentin. Génial. Ouais, notre premier court qu'on tourne dans 2 semaines là. Vous êtes le frère du place, vous êtes qui sortira sur ma chaîne YouTube. Oui. Génial, Adrien. Ouais, MST. MST qui arrive. Que t'as contracté ou quoi? Non, je plaisante bien sûr. Oui. Plantu. Oh, je suis plantu. Oh. Marianne, elle a les yeux bandés ou quoi? Oh. Elle s'est pris un poteau. Oh. C'est drôle, la souris, elle a failli se faire écraser par Marianne. Elle a une trottinette électrique. Oh. Je sais même plus qui ils font. C'est quel personnage? C'est plantu. Mais je crois que c'est ça notre force. C'est que maintenant ça devient assez abstrait ce qu'on fait en termes de personnage. Vous partez en tournée là sur une double bicyclette. C'est vrai. Exact, bah, oui, pourquoi en faire la promo? C'est complet partout. Oui, c'est vrai. Mais oui, pour dégoûter les gens. Voilà, effectivement. Non, MST, donc t'es toujours visible sur My Canal. Et puis il y a 4 sketchs sur la chaîne YouTube de Studio Bagel, dont deux que j'ai écrit tout seul, un que j'ai écrit avec tout le monde, bien et puis un dans lequel je joue. Et puis il y a la saison 2 de Derby Girl toujours qui est sortie. Évidemment. Alors d'ailleurs je remercie la plateforme Slash de passer les extraits avec moi que sur Facebook où ça fait 8 vues. Parce que du coup je peux vraiment jamais rien partager de la série dans laquelle j'ai joué. Enfin ça, je pourrais, mais j'aime autant partager des trucs dans lesquels il y a moi. Et c'est sur Facebook où ça fait vraiment... Tu les as remis du oui, coup. Oui bah du coup j'ai piraté le truc. J'ai vraiment téléchargé la vidéo. T'es Hackerman. Oui bah j'en ai marre. T'es Monsieur Robot. Voilà. Et puis Visiteurs qui sort le 10 mai. Mais oui. C'est bientôt. Annoncé par Simon Astier. Simon Astier, science-fiction avec... Oh, une bonne pincée de rigolade. Oh, il y a de la rigolade. Et c'est une très belle série. L'image est magnifique. Série, la bande-annonce se donne hyper envie. L'affiche aussi. Très belle gueule. Super beau. Très belle scène dont je suis. Très belle scène. J'ai vu, je vous le dis, quand j'ai coupé au montage. Non, parce que le monteur m'a dit que c'était très drôle. Oui. Oh là là, mais attends, c'est une légende cette séquence. Ouais. Mais c'est pas déjà une légende. Je veux pas la survendre, parce que. Mais sachez que quand je fais très belle scène, c'est. Si. Il y a une pointe d'ironie, quoi. Si vous aimez le podcast, c'est peut-être une des plus belles scènes d'Adrien de sa carrière. Non, mais voilà. Non, mais en vrai, il y a un peu de ça. Voilà. Génial. Bon, bah oui, moi aussi, un peu MST. Cela dit, je sais pas sur le 2 et 3, on verra. Mais en tout cas, sur le premier, il y a des sketchs qui sont sortis. Minimum. Oh, très bien, quel plaisir. Oui. Baptiste Le Caplan en tournée également, qui ensuite va passer à Paris, et le Coe Burger sur lequel j'ai travaillé, qui revient chez Quick. Et vous pouvez me remercier, c'est grâce à moi. Non, mais j'ai vu qu'il relance le Coe Burger. Voilà, hein? C'est une vraie info que je vous donne. Je suis là. Mais parce Coe, que là, il fait des ça parle élection, ça parle. Il y a Coe Burger qui revient, les amis. Incroyable. C'est peut-être le 5e signe de l'apocalypse. C'est la montée des extrêmes, une pandémie et le Coe Burger. Quelle est l'actu des gens qui écoutent le Floodcast? Il y a un endroit pour mettre des commentaires? Sur Twitter, ils nous envoient des messages. Voilà, quelle est leur actu? Écoutez, je les invite à t'envoyer un message. Donnez-moi votre actu. Parce qu'on parle entre directement nous. Directement à Julien. Bien sûr que non. De toute façon, je suis plus sur Twitter. Moi, je veux bien. Envoyez-moi votre actu. Ah, Julien Jostin, vous envoyez votre actu. Bon, merci les amis. À très bientôt. Salut. Bravo. J'arrête pas ma phrase, elle est trop longue. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.